Salut tout le monde et bienvenue à ce 84e épisode son, de Rétro Nouveau. Puis Don, ton son est trop fort, je pense. Ouais. Ah, regarde, je suis un petit peu dans la pénombre. C'est vrai, hein? T'es dark. Je suis comme le... T'es comme le bum de la gang, hein? Ouais. T'es devenu le bum. Ben regarde, j'ai pris mon chandail de la manette. Eh oui. Puis j'ai coupé les manches. Pour faire un peu douchebag ghetto. Parce que je me dis, tant qu'à avoir un bar, tout semaine, avoir de l'air trash, oui, puis avoir une attitude qui va avec. Clairement. Clairement. Fait que je travaille sur mon look. Là, j'ai pris une décision aussi. Ah oui? J'ai décidé de me faire faire un bras de tatou. Ah ben, calique. Mais seulement quand je vais avoir fini de rembourser mes parts dans le bar. Okay. Fait que les Italiens, ils mettent des lions sur devant leur maison quand ils ont fini de payer leur hypothèque. Ouais. Moi, quand j'ai fini de payer mon investissement, je me fais tatouer un bras de gaming. Ah, non, nice. Malade, ça. Juste de Atari, j'espère. Ça serait hot, un bras ouais. Atari, man. Juste des covers d'Activision, man. Ouais, j'avoue, ah, ça serait. Non, fait pas ça, pas les covers. Ça serait vraiment coloré, par exemple. Mais oui, je vais en intégrer, par exemple. Activision. Ouais. Chris. Ben, je me suis fait un folder dans mon ordi, puis je drag and drop des affaires, là. Tu sais, il y a des belles illustrations de Streets Jenna of Rage. Jameson. Qu'à Jenna Jameson. Ouais. Juste du Jameson. La boisson. Ouais. Fait que, excusez, je veux pas prendre l'intro, là. Mais... Mario marche. Est là. Mario est ici. Ben ouais. Salut! Salut! Hey, Mario. Salut. Ça fait que j'étais supposé être là la dernière fois. J'ai dû annuler oui. Pour des raisons personnelles, mais là, je vais faire le jeu que j'étais supposé faire fois, là. D'ailleurs, pour expliquer aux fans, on a comme publié la bannière qui était prête depuis le matin, puis toi, t'as annulé le soir. Fait qu'on a oublié de refaire la bannière. Là, on a chialé qu'on les teasait. Le monde attendait. Le monde écoutait le show juste pour Doom, puis on n'a jamais fait Doom. Checkez les gars, comment c'est fou. On a Mario 1 puis Mario 2 en même temps. Ouais! Wow! C'est carré. Ça pour les prochains. C'est hot. En plus, c'est deux angles différents. Ouais. Si vous avez des lunettes 3D à la maison, c'est présentement, Mario vous avez l'expérience Mario 3D. Tu peux comme avoir une entrevue avec toi-même, tu sais. Mario, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Mais tu t'écoutes pas! T'arrêtes pas de tourner le dos. Ah non, c'est ça. C'est carrément, ouais. Et Gia, tu tournes le dos, c'est pas. Fais un post-process en rouge et noir après, ouais, tu sais. Ouais, Virtual Boy, là, c'est clair, t'aurais dû faire. Alright! Fait que, en tout cas, 84e épisode, ce soir, on a 4 excellentes critiques pour vous et un excellent sujet de discussion. Mais tout d'abord, Nick, tu voulais parler de Street Fighter. Ouais, je voulais parler de Street Fighter 5, en fait, parce que une petite mise à jour, tu sais, quand c'est sorti, Street Fighter, parce qu'il y avait une couple de haters, mais quand Street Fighter est sorti en février, tu sais, il était vraiment incomplet, il était super bon, la base était là, le combat était génial, il manquait des morceaux, tu sais, puis de petit à petit, ils ont fait une couple de mises à jour, fait que ces morceaux-là sont arrivés, fait que là, je dirais, présentement, c'est un super bon moment pour l'acheter. Puis j'ai pas de comment dire de Capcom ou rien là, parce que c'est les ventes d'été. Vous le trouvez pas cher. Il était pas cher sur PlayStation, sur Steam aussi. Mais là, ils ont rajouté le mode single player story mode. Vraiment plus riche, vraiment intéressant. Okay. Les trials qui étaient rentrés là, quelques mois en fait. Tu sais, il est vraiment. Là, c'est comme à peu près similaire, peut-être même un petit peu mieux que le niveau que Street Fighter 4 était sorti à l'époque. Ah ouais. Fait que là, c'est un jeu complet pour même les amateurs de single player. Puis tu sais, ils ont même rajouté plusieurs autres personnages en fait. Ça, c'est des personnages payants, mais on peut grinder puis ramasser des points. Donc, puis les Capcom est assez généreux de la façon dont ils donnent les points. Quand on finit les trials, mettons les survival mode, le nouveau story mode va donner pas mal de points en plus. Fait que il a été updaté vendredi passé. Donc, tout ça est disponible. Je me dis juste, en tout cas, si vous hésitiez, vous n'étiez pas sûr, je pense qu'il était à 48$ sur PSN. Il était en vente présentement. Ouais, exact. Fait que je me dis... Allez-y, là il est rendu vraiment un jeu complet. Peut-être que Capcom aurait dû attendre puis le faire un release comme ça. La raison selon moi pourquoi il l'a pas fait, c'est parce que le Evo s'en vient là, dans quelques semaines. Puis il voulait être certain que ça soit le jeu que les gens puissent jouer. Ouais. Mais là, comme expérience, c'est pas mal ça coche. Là, fait que. Mais dis en tout cas, si vous hésitiez, avec les ventes d'été puis le nouveau contenu, là, n'hésitez plus. Allez-y. Bon choix. Fantastique. Ouais. Utilises-tu Charlie un peu? Un petit peu, vraiment. Moi, j'aime bien Bison. En fait, c'était mon main dans Street Fighter 4 puis que je suis revenu à Bison. Là. Mais je te parle de Charlie parce que je veux que tu me parles de Charlie. Ah! Il est-tu pas pire? Oui, il est vraiment bon, en fait. Il y a les fameux tiers. Ouais. Il est dans les 4 premiers. Là. Ah ouais, hein? Oh, ouais, OK. Il y a un joueur de... Infiltration, là, un joueur coréen excellent là, qui domine le circuit avec Charlie. Ok. Il est hot, mais en plus, il est à moitié mort-vivant. Fait que ouais, c'est ça. Il peut pas être pas bon dans ce jeu. Il est rendu dans les méchants, en plus. Ben, c'est pas clair, c'est ambigu. Ah. Là, ouais. Il y a du mystère. Là, mais je pense que le story mode en donne un peu, là, mais je l'ai pas encore terminé. Fait que, ok. En tout cas, un beau produit qui finalement arrive à un produit comme on aurait pu s'attendre dès le début. Fait que, ben oui. Yeah. Excellent. Nice. Et ça. Alright. Fait que, on partait ça en critique. Oui, puis là, c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Commence ouais. En maudit. Oui, non, mais c'est ça. Là, je sais pas comment ça va aller. Tu sais, moi, je suis du genre à m'emporter. Ouais. Et puis, mais là, on était au début du show et puis j'ai juste bu 3-4 gorgées de bière. Fait que je suis quand même assez relax. J'ai un petit peu mal au ventre aujourd'hui. Ouais. Tu sais, je suis pas en bon état, man. Mon corps, mon corps va mal. Ouais. Ouais. Mon corps va mal. Ouais, mon corps va mal. J'ai du trouble avec mon corps. C'est fait que, de bar, ça. Hein? T'es rendu un gars de bar, là. Faut que je fasse l'exercice. Tu peux plus faire du skate travail. Le midi comme ça te tente. Ouais, c'est ça. Je suis allé tantôt. Les jambes raides, man. Ah ouais. Oh, j'avais peur de me casser. Tu sais, ça aurait cassé, là. C'est pas genre, aïe, aouh. Non, non, c'est casse d'un coup, c'est sûr. Mais avant, t'as-tu fait un move justement? Hey, check ça, petit gars, c'est de même, ça marche. Ouais, mais en fait, à midi, j'étais en roller. Ah, ok. Je suis quand même capable de rider une vert en roller et puis de faire des tricks, mais là, j'ai des gros patins de rue maintenant, tu sais, c'est pas des patins de freestyle, puis j'étais pas en état là, de, tu sais, me garocher tant que ça. Ouais. Parce que, bien sûr, je prends mes messages en même temps que je skate, tu sais, la job, oups, oh, faut que j'aille faire des bannières web, on crée mon carton de chez nous travailler. Fait que c'est le même que je vis, c'est une drôle de vie que je mène, sérieux. En plus, ça fait 3 semaines, j'ai pas de travail, là, je suis tellement loner à la maison, là. Je suis pas de la dépression, sérieux. Ah, bah ouais, faut que je vois du monde un peu, là. Ça, c'est tough. Ouvre ton bar plus tôt, tu sais, puis juste parler au monde, faire des sessions, tu sais. Ouais, non, mais le bar, il ouvre le soir. Le soir, c'est les enfants, tu sais. En tout cas, la vie de papa cassette. Fais des streams sur Twitch, là. Je peux pas, c'est trop... non, parce que je t'ai interrompu par le vrai travail. Faut que je reste aux aguets, tu sais, un peu comme les Night's Watch. Mais il y en a qui font du vrai travail sur Twitch, là, qui sont là, puis qui ont l'affaire, puis les gens regardent. Peut-être, tu pourrais faire 20$ avec ça, ou 10$ par mois. Mais t'avais ton autobiographie aussi qui était en chantier. Oui, oui, ça, je travaillais là-dessus. Déjà, 36 ans, l'autobiographie, ma vie est pas mal finie. From Both and Beyond, ça s'appelle. C'est pas pire, ça. Gros chapitre sur Tête Ferme. Gros chapitre sur Casa Vignotto. Il y a 5 chapitres, ça. Là, quand on arrive dans le nerf de la guerre, là, et c'est comme ça que j'ai eu mon bar. Je t'explique pas comment. Là, c'est ça l'affaire intéressante. J'ai un peu mal au ventre, puis je sais pas, mon corps va mal. Bon, hey, c'est assez. Ouais. Peut-être que cette critique pourra rentrer dans un chapitre de mon livre. Je vais parler de Mighty No. 9 aujourd'hui. Oh, oui. Que j'ai acheté pour la collection, vraiment. Ben, comme tout le monde, j'ai vu les critiques. J'ai analysé ça. Ben, tout le monde a vu, là. C'est un raz-de-marée de marde qui a tombé sur ce jeu-là, carrément. Des mauvaises notes. Le jeu est laid, c'est pas bon. Puis je me suis dit, je vais jouer à ça. Pareil comme si j'avais jamais entendu parler de ce jeu-là avant. T'sais. Comme si j'avais acheté ça totalement random, puis que je l'essayais. Puis là, je vais peut-être avoir un feeling de « Oh man, agressif, yo, tu sais, ça va bien. » Donc, j'ai acheté ça, puis j'ai joué, première run que j'ai joué avec Éric Hébert, on s'est installé chez nous un samedi soir, puis on a joué à ça pendant 2h30 à peu près. Ouais. On n'a pas réussi à battre un crise de boss. Tabard. C'est vraiment, ça c'est un problème de gameplay beaucoup. Ouais. Mais je vais revenir sur le gameplay pour commencer. Je veux parler du visuel. Oui. Bon, je veux pas parler d'histoire de Beck. Ouais, y a-t-il une histoire là-dedans? C'est parce que l'histoire, toi, t'es Mighty No. 9, puis tous les autres Mighty Numbers, c'est le nom des boss, tu sais, ils ont des vrais noms aussi. Et puis, ils sont tous possédés, là. Fait que toi, dans le fond, t'es détruit pas, mais t'es stun, là, quand tu les bats, puis tu t'absorbes, là, de quoi pour les analyser, en tout cas, puis ils se guérissent, là. Ouais. Fait que, dans le fond, tu fais les niveaux, tu fais tous les niveaux, puis après ça, à ce qu'on m'a dit, je me suis pas rendu, t'as genre tout de suite un autre niveau, puis c'est fini, tu sais, ça va très vite. Le jeu est, paraît-il, vraiment pas long. Bon, la première chose qui m'a frappé là, en jouant à ça, c'est les graphismes un peu qu'on le voit là. ça a l'air d'un peu de Pat Patrouille, tu sais. Tu connais-tu ça, Pat Patrouille? Vraiment, ça joue en loup. Pat Patrouille, c'est la Pat Patrouille. Ceux-là qui ont des enfants savent ça. Ah ouais. Les autres, c'est des graphismes bubble Pat Patrouille un peu. Ouais. Puis il y a tous les bonhommes un esti de contour blanc. On dirait que ça a été découpé à la Magic One, tu sais, dans Photoshop. Surtout dans les dialogues entre les niveaux, là, dans le fond. Ouais. Dialogues qui sont épouvantablement ennuyants et longs, et on s'en calisse. Y a-tu du voice acting ou c'est du texte? Ah oui, en plus? Non, c'est ça, c'est épouvantable. Oh boy, okay. Mais t'as du monde qui parle avec le texte aussi, in-games. Ouais. Ça, là, on s'entend-tu que ça devrait pas exister, tabarnak? Ouais. Cessez de nous déranger pendant qu'on joue avec votre crise d'histoire. T'sais, dites-nous tout ce qu'il y a à dire avant qu'on commence le niveau, puis dites d'autres affaires après. Ou dites rien, calice. T'sais, j'ai besoin du bas de l'écran pour voir ce qui se passe. T'sais, ouais. Entendre. Oignon, Mighty! Oh non, ça, man, c'est de la crise de marde. Et puis, j'ai pas aimé ça du tout. Les backgrounds, ils sont très, très, très vides. Regardez, là, présentement, au fond de l'écran. Là, regardez la mer, t'sais, regardez le ciel. Pas de fucking nuages, pas d'éclair, pas, je sais pas, mais quelque chose. C'est comme à l'époque du NES, mais. On dirait un jeu de PS2, man. Ouais. Ah, pour de vrai, on dirait un jeu de PS2. C'est dégueulasse. PS2, c'était plus beau que ça. Ouais. Non, il y a des jeux de 3DS bien plus beaux que ça. Là. Mais sérieusement, ça a l'air une version HD. Là. C'est comme s'ils ont pris le plus petit dénominateur commun, qui était sûrement 3DS, puis qui ont comme mis ça partout en upscalant à peine. Probablement que c'est ça qu'ils ont fait. Parce que juste les ennemis ont l'air quand même assez bien développés au niveau des animations. Ouais. Même graphiquement, je veux dire, il y a quand même une recherche. Mais le feu, il est vraiment laid aussi. Ouais, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. On dirait du ketchup. Non, c'est ça. C'est des grosses bulles de je sais pas, tu sais. Le ketchup. Fait que, bon, maintenant, la musique, il y a du monde qui m'ont dit, mets la musique en 8 bits parce qu'il y a une option en 8 bits. Puis là, si tu dis, tu vas avoir un feeling, Megaman. Mais là, je l'ai mis. Puis non, man, je trouve pas. La musique a pas été pensée 8 bits. C'est comme juste botché 8 bits pour l'offrir. Là, t'sais. J'ai trouvé la musique originale meilleure. D'ailleurs, ça, c'est un hostie de problème aussi. Quand tu joues à Megaman, t'as la musique dans le tapis. T'sais. Tu rentres dans le niveau, puis ça te blast dans la tête. Quand tu tires, c'est piou, piou, piou, puis ting, ting, ting. Tu sautes, puis il y a du son. Ça, l'ambiance, man, est vide. Là. T'as de la misère à entendre la musique. Fait que je vais dans le menu, je mets la musique au fond. Je baisse les dialogues beaucoup, beaucoup. Je baisse aussi le bruit des sound effects. Ouais. Et puis même à ça, j'ai pas le sentiment de musique, d'action qui me mettrait dans le bain. Là, t'sais. C'est super décevant. Pourtant, c'était la compositrice originale qui avait travaillé là-dessus. Ouais, de Mega Man 1. Ouais. Mais je pense que ce qui est arrivé avec ce jeu-là, c'est qu'ils ont ben trop engagé juste des vieux battes. Ouais. Sérieux, c'est peut-être ça. Là. Ouais. Ouais, il manque juste des vétérans. Là. Une équipe d'All-Star de vétérans, là, ça va pas battre là, une équipe de jeunes d'aujourd'hui. Là, ça prend quelque chose de plus. Tu vois que ça a été développé pour toutes les plateformes possibles. C'est bien ça le problème. Est-ce que ça a compliqué le développement pour du monde qui était plus habitué à développer sa NES ou sa Super NES? Je sais pas. T'sais. Ouais, non, c'est ça, je sais pas. En fait, ils l'ont trop à faire. Là, ils auraient dû réduire l'offre. De... Même une version Linux. Ah non, c'est ça, c'est ridicule. Faire, mais je pense que on veut pas jouer à les Stretch Goals. Ça, c'était les Stretch Goals de Kickstarter. Fait qu'ils ont comme pas eu le choix de faire tout ça. C'est ça, c'était une erreur. Ouais. Puis la contrepartie des fois les socio-financements, c'est que. Ou n'importe quel type de socio-financement, c'est que tu promets des affaires, puis à un moment donné, ben, faut que tu livres, tu sais. Ouais. Exact. Là, ils ont eu c'est trop d'argent, trop de buts, trop d'affaires à livrer. Regarde, là, oups, il est mort. Je te garantis que ce que tu viens de voir, là, ça t'arrive tout le temps. C'est dégueulasse. Ça grippe pas, ce petit robot-là. Mais là aussi, avant de continuer sur le pas de grippage, il y a du loading là-dedans, là. Ben, vu que tu meurs tout le temps comme un cave parce que tu grippes pas ou que le gameplay est cassé, ben, tu meurs, puis ça prend genre 20-25 secondes respawner. Là. C'est super long. Parce que les tableaux sont complexes graphiquement. C'est vraiment long, loader tout ça. Moi, je l'ai acheté sur Wii U. Tu vois, il est mort encore de la même crise de façon. Ah ben, mais il y a du monde qui m'ont dit que sa version PS4, ça loadait moins. Okay. Je sais pas. Mais Chris, c'est supposé être tête pareil. Ouais, oui. Et puis, le loading te casse la vie là-dedans. Parce que juste, t'es au début, tu vas aller dans le menu d'options. Juste aller là, tu loads super longtemps. Là, tu vas mettre ta musique en 8 bits. Là, tu reviens. Puis là, tu loads pour sortir du menu. Après ça, tu reloads pour venir au menu principal. Okay. Tu passes ta vie à loader, man. Calique. Pire qu'un jeu de PS1. C'était vraiment ridicule. Ah ouais. Puis, c'est ça, pour le gameplay, encore une fois, ce personnage-là est suranimé. Quelle erreur, mesdames et messieurs, de créateurs de platformers récents, de suranimer vos hosties de sprites. Sérieux, ouais. Là, j'ai pas besoin là, qu'il bouge. Là. Quand il saute, il saute. T'sais, comme Mega Man au NES. Pas ouais. genre, il se penche un petit peu, il commence à lever une petite patte, puis après ça, ouais. genre, tu pèses sur le bouton, t'es dans t'as les airs. T'as des freins de délai que ça te tente pas d'avoir. Non. Tu veux juste que ça ouais. tente. Ça te ralentit, ça. Mm-hmm. Puis comme ton où est-ce que t'es debout? Quand t'es debout, c'est comme large. Puis des okay. fois, il faut que tu te tiennes sur des minces plateformes. Puis là, tu sais pas t'es où exactement, ouais. fait que tu tombes tout le temps un peu à côté. Super fâchant. J'ai pas été capable de jouer à ça avec le gamepad non plus. J'ai sorti mes manettes style Super NES de Wii ouais. parce que ça allait vraiment pas bien. Là. C'était trop gros. Le dash, c'est réussi quand même. C'est ça qui mm-hmm. est de le fun dans ce jeu-là. Et puis les speedrunners aiment apparemment ce jeu-là parce que tu dash your way au complet. Par contre, avant d'être capable d'être aussi habile puis de dasher ce jeu-là à grandeur, faut que tu l'apprennes par cœur. Ouais. Puis moi, j'ai pas envie de tout de suite apprendre par cœur ce jeu cassé-là. Ben oui. Parce qu'une autre affaire qu'il aurait dû mettre, quelque chose pour stopper ton dash. C'est comme dash, oh shit, je vais passer tout droit de la plateforme. Ouais. Stop mais le dash. Quand tu lâches ton bouton, ça arrête. Ouais, ou tu pèses par en arrière. Quelque ouais. chose. Mais là, tu peux pas. Ah. Tu peux pas comme rien faire pour stopper ça. Et puis, quand tu dashes, puis t'arrives vis-à-vis un trou, tu fonces dans le mur, t'es comme ah merde. Tu peux pas coller sur le mur. Tu sais, à Mega Man X, tu colles sur le mur, puis ouais. tu glisses un peu dessus, tu peux sauter sur le mur, tu sais. Là, il n'y a pas ça. Par contre, ils ont fait que tu peux t'agripper sur le bord de la corniche, tu sais, juste pour ralentir, là. Ça donne rien de faire ça. T'as pas d'action de corniche. Ouais. Tu sais, comme quand l'agrippage de corniche, c'est genre, des fuck, tu sais, ça te sauve une vie de temps en temps. Ouais. Mais là, comme ils te l'imposent, tu sais, rien que pour montrer qu'ils ont fait de quoi, tu sais. Pourtant, tantôt, t'aurais pu t'agripper, ça, cette corniche. Il a essayé, puis ça a pas marché. God. Parce que c'est pas tête. Okay. Ils ont pas dû. Fallait pas faire ça. Puis ce jeu-là essaye d'être Mega Man classique, puis essaye d'être X. Si tu me fais platformer, mets ça tête. Mm-hmm. Puis si tu veux me faire jouer à Mega Man X, fais ça ultra rapide, mais donne-moi les options de pouvoir stopper mon dash puis coller ses murs. Eh là, oui. ils font un petit peu des deux. C'est comme ouais. action, action, yeah, yeah, yeah, donne-moi. Merde, là, je suis plateforme. Là, un maudit plateforme, elle est pas à bonne place, je suis pas ouais. capable. Tu sais, c'est un mauvais mélange. Ça m'a crissement fait chier. Bon, à force de mourir, je vais continuer vite. À force de mourir, le niveau, il te donne des ce qu'Eric a appelé des pity bots. Des robots, les robots de la pitié. Quand tu respawn, ils te donnent des options de plus. Les autres weapons que tu pognes en tuant des boss, c'est de ouais. la marde. Le système de changer les armes, c'est crissement okay. de la marde. Les armes spéciales servent à rien, sont vraiment pas le fun. T'en as pas de besoin pour battre les autres boss, vraiment. Battre un boss, il te donne des advice après ça pour les autres niveaux un petit peu. Ouh, il apparaît dans le niveau puis il parle, bien sûr, parce qu'il faut qu'il parle. Regarde ce que je fais, il tire, puis là, il s'en va. Ça sert à rien, tu sais, c'est juste la crise de merde. Donc, c'est ça, man. Le niveau de Counter Shade qui s'appelle, je l'ai aimé, c'est un genre de robot sniper, puis tu cours après à travers tout le niveau. C'est un genre de maison manoir, tu sais, je trouvais okay. ça très beau, puis je trouvais que c'est une bonne idée. Gros plus pour ce niveau-là. Puis d'ailleurs, il n'y a pas de platforming dans ce niveau-là, fait que j'ai eu du plaisir. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Pour le reste, man, ça a été une grande déception. J'ai trouvé que c'était de la crise de merde. Puis j'ai essayé d'arriver la tête froide. Moi et Eric, on était comme blanc. Oh, oui. On pensait à rien. On joue à ça. Puis on a été frustrés. À ma deuxième essai, j'ai réussi à péter deux robots. Troisième essai, je l'ai pété un autre. Puis là, je me suis dit, quatrième essai, tu sais, pendant la semaine, je rejouais. Oh, puis là, ça me tentait même plus. Hein. C'est oh. comme c'était devenu oh. une corvée. Donc, je donne à ce jeu, JF, une belle note de 2 sur 10, sur 5. J'ai pas aimé ça du tout. Je trouve que c'est brisé. Puis le monde sont comme, ben là, c'est pas si pire que ça, ce jeu-là, voyons, hey, c'est bien correct. C'est genre correct, mais pas 4 millions de dollars et la promo, puis un retard de 3 ans, ouais. correct, comprends-tu? Chris, t'es supposé livrer en marchandise, là, mais la marchandise a tellement pas été livrée. Là. Oui. C'est une. Ça fait pitié. Ben, t'sais, ils ont eu 3,8 millions, mais c'est pas tant que ça, en fait, pour le nombre de plateformes qu'il y avait. T'sais. Puis, c'est sûr que le jeu, il y a un petit scope. Hey, c'est leur problème, mais ça. Il y en a un qui n'a pas le promettre. C'est pas une excuse, là. Mais. Fiasco du début à la fin. La seule partie de pas de fiasco de l'histoire de Mighty No. 9, ouais. c'est genre de voir que Kickstarter peut virer fou puis donner de l'argent exact. De même au monde. Ouais, ça, c'était 900 puis après leur ça, target. Ça a été juste la merde exact. Jusqu'à la sortie du je jeu. Je défends pas, mais je dis que c'était 900 000 leur target, qui était pas très très bas. Raisonnable, pour un jeu. Ouais. Ouais, mais c'était bas. Ouais. Puis là, à 3008, avec toutes les plateformes qu'ils ont offert, en tout cas. Puis peut-être qu'ils voulaient s'acheter un nouveau bateau aussi. Ben, peut-être, Ben, qu'ils ont acheté un bateau, pas, hein, effectivement, mais. J'ai... Non, moi, je. Des fois, c'est juste une question de mettre. j'ai mis efforts au mauvais endroit, tu sais. Ouais. Mais ce jeu-là m'a mis en colère, man. Puis, tu sais, il y a le monde qui dit, ouais, le gameplay, il est correct. Là, ça me fait penser à du monde qui boivent la Bud Light toute leur vie, genre. Puis là, soudainement, ils boivent la Stella Artois. C'est comme, oh, Chris, c'est donc bien bon. Moi, je joue à des bons platformers, tu sais. Ouais. Moi, je joue à des jeux tête, puis je finis ces jeux-là, puis ils m'apportent de la grande satisfaction. Puis ça, c'est pas bon, tu sais. C'est un pas bon platformer. Joue à Mega Man. Tu veux jouer à Mega Man, comme le monde dit? Tu veux jouer au nouveau Mega Man? Joue à Shovel Knight. Tu sais, joue pas à ça, là. Mm-hmm. Tu sais, comme, achète-le si t'es curieux ou whatever, mais il y a du monde qui a eu du fun. Ouais, ouais. Ils l'ont fini, ils ont trouvé ça cool. Mais moi, non. Non. Mais c'est ça qui est plate parce qu'il y a des jeux comme ça que même si c'est financé, puis qu'on attend à ce qu'il y ait un résultat parfait, c'est une chose. Mais ben, j'aurais accepté que ça soit pas parfait. C'est ça. Mais tu sais, comme pas. Juste style botché. C'est ça, main. C'est juste que là, c'est complètement l'autre bord. Exact, c'est vraiment de la merde, c'est même pas moyen. Non, non, c'est ça. Tu sais, puis je me dis, Christy, il y a bien à l'interne, il y a bien du monde qui a pu ben, tester. Ils ont pas ce fait jeu-là. Jouer ça à personne. Moi, c'est ça qui me passe. Ils release ça, Chris, puis on dirait que personne n'a joué. Mais ils ont peut-être pas eu le temps. Mais whatever, non, mais ils sont pas poussés par un publisher. Le publisher, c'est les backers. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est. Oh, ben, il y a une pression de temps. Ils sont tellement en retard, là, à un moment donné, ça commençait. Il y avait une grogne, là, mais. Ouais, il aurait c'est dû sûr, attendre, mais tu sais, aussi longtemps. Avec ce que j'entends, ça, là, il aurait dû attendre un peu, tu sais. Aussi longtemps pour un jeu de même, tu sais, c'est pas un AAA, c'est pas un jeu à grand déploiement, tu sais, c'est un platformer qui est fait sur le blueprint d'un autre platformer. Fait que tu te dis, la base est là, respecte-la en changeant les skins, puis tu vas faire un Chris de bon jeu. Ah ouais, c'est ça. Ouais, puis tout le monde aurait été content. Hein? Ben ouais. En tout cas. On passe à un jeu plus heureux. On enchaîne. Gros. Parlant d'agrippage de corniche et de platforming tight, je vais vous parler de Doom. Oh boy. Y a de l'agrippage de corniche. Il y a bien de l'agrippage de corniche. C'est quand même pas mal de platforming, surprenamment. Hashtag corniche pour l'épisode de ce soir. Ça fait que c'est Doom qui est qui s'appelle simplement Doom, donc on présume c'est un reboot de la série, qui est un classique. Puis au fond, l'histoire, quand même, ça reprend un peu les éléments classiques de Doom. Ça se passe sur Mars, puis là, il y a la compagnie UAC qui a ouvert un portail vers l'enfer parce qu'il exploite les ressources naturelles de l'enfer. Puis là, ça, c'est l'histoire propre, originale, ça aussi. Hein? Je sais pas s'il y a ça dans l'histoire originale, l'idée de exploiter des ressources. Au fond, ils vont chercher quelque chose en enfer qui leur permet de créer une énergie propre et quasi infinie qu'ils appellent le Argent Power, je sais pas trop mais quoi. Mais ça, c'est similaire à Doom 3, en fait, comme histoire. Là. Ouais. Mais l'original, je me rappelle pas de l'histoire, pour être franc. Je tirais des. C'est intéressant, cette histoire-là. En tout cas, ça me satisfait. Ouais, mais ça. Dans l'original, je pense qu'il fallait que tu lises le livret pour avoir l'histoire. Dans le jeu, il n'y avait pas d'histoire du tout. Puis, ça fait que tu incarnes le Doom Guy. En fait, UAC envoie une expédition en enfer, puis il trouve un sarcophage qui ramène sur Mars. Okay. Et dans le sarcophage, c'est le Doom Guy, c'est le Doom Slayer. Puis au fond, tu t'apprends au cours du jeu, là, c'est pas vraiment un gros spoiler, mais que au fond, ce personnage-là, c'est une espèce de guerrier légendaire qui fait chier les démons depuis des millénaires. Bon. Puis qu'ils l'ont enfermé dans un sarcophage, puis là, le UAC, ils l'ont comme. Ramené avec avec son armure classique que c'est comme une relique puis qu'ils savent pas comment faire fonctionner mais au fond c'est juste le Doom Guy qui peut l'utiliser. Les corniches. Ça fait que ça le gameplay c'est vraiment c'est un first person shooter straightforward puis décomplexé des bibittes puis des gros guns puis tu sais dans le tas puis mais tu sais il y a quand même une stratégie à adopter parce qu'à un moment donné, tellement caché là-dedans ou parce que la façon que souvent les niveaux sont faits, c'est que tu arrives quand même dans des pièces quand même assez grandes. Puis là, t'arrives, il n'y a pas d'ennemis. Puis là, t'arrives au milieu de la pièce, puis ils commencent à spawner autour de toi. Puis là, il faut vraiment que tu sois en constant mouvement, que tu utilises toutes les plateformes autour de toi. Il va y avoir des power-ups aussi où est-ce que tu vas devenir invincible pendant une couple de secondes. Puis ou que ton damage est quadruplé ou tu deviens super rapide. Puis il faut vraiment que tu commences. Puis les ennemis sont aucune pitié là. Ils te courent après, ils sautent, ils te suivent partout où tu vas. Tu peux pas te cacher longtemps, plus que deux secondes au même endroit. Ça fait que ça te laisse pas respirer. C'est vraiment une action frénétique et sans arrêt. Puis c'est ça, il y a quand même beaucoup de platforming. Puis surprenamment, le platforming est quand même réussi. Tu sais, c'est... Ah ouais? Tu sautes facilement. À un moment donné, tu obtiens un double jump. Puis là, tu double jump. Puis là, tu t'accroches aux corniches. Puis là... Ouais. Tu sautes facilement d'une corniche à un autre, puis c'est rapide, tu sais, quand tu t'accroches, il monte tout de suite, ouais. Ouais. C'est pas comme dans Mighty. Non, Beck, il remonte pas très vite. Il faut dire qu'il y a des petits bras de... Puis évidemment, mais c'est donc bien, c'est violent ça, Simon. C'est extrêmement violent. C'est très beau, hein. J'aime c'est, ça au c'est, pas beau. C'est vraiment beau, puis là, ce qu'on vient de voir, c'est que tu peux comme, mettons que tu as tiré un ennemi, puis qu'il est pas mort, puis il est juste un peu stunné, il devient comme orange. Ouais, puis là, t'approches, puis là, tu fais ce qu'il appelle un glory kill, puis là, tu le tues de one shot avec... puis dépendant de où est-ce que tu fais ton glory kill, que ce soit par devant, par derrière, ou même en dessous, en tombant sur l'ennemi, okay. Ça va faire des animations différentes. Wow! Puis c'est vraiment, vraiment satisfaisant. T'sais, c'est vraiment, oui. Tu passes d'un ennemi à l'autre, puis... quand j'avais vu ça dans Bananon, j'étais comme, ouais, ça a de l'air du gameplay. Ouais, c'est comme une gimmick, là. Gimmick, puis finalement, tu sais, c'est vraiment ça, le jeu, ça se passe de même. Puis, c'est ça, t'as une panoplie de gros guns qui sont vraiment, vraiment le fun à utiliser. À un moment donné, t'as, au début, t'as un petit gun, ça, t'as des balles à l'infini. Ouais. Puis après ça, t'as un shotgun. Puis là, t'as comme un shotgun double barrel qui devient un petit peu le gun que t'as toujours sur toi par défaut parce qu'il est vraiment efficace. Puis, t'es quand même limité dans tes balles. Mais justement, les glory kills, quand tu fais un glory kill, ça te donne plus. L'ennemi va dropper plus de balles, plus de vie. T'sais. OK. Puis là, je regarde ça, ça donne l'impression que t'es vraiment perdu à tout moment. Sais-tu comment retrouver ton chemin? Comment finir ce tableau-là? Oui, t'as des maps quand même faciles à utiliser. OK. Puis tu peux aussi trouver dans le niveau, tu trouves une map. Puis t'as tout le temps comme un petit curseur qui te dit ton objectif. Ton objectif. Par contre, ce qui est le fun, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'exploration le fun. Puis il y a beaucoup de trucs cachés. T'as comme des espèces de petits bonhommes à collectionner que tu trouves. Puis ça, c'est le fun. Les petites animations, tu le sens tout le temps que le Doom Guy, là, il est vraiment fâché. Il est vraiment en tabarnak. La façon qu'il interagit avec les choses autour de lui, il parle jamais. Mais juste la façon qu'il est animé. Ça raconte une histoire, tu sais. Il est fâché, là, tu sais. Puis tu le sens du début à la fin. Puis tout le long du jeu, t'as comme une espèce de intelligence artificielle qui guide un peu, qui t'aide à détruire un peu UAC, même s'il fait partie de UAC parce qu'il y a comme quelqu'un d'autre qui veut trop faire de la merde. Mais il veut pas que tu détruises tout. Ouais. Mais Doomguy, il détruit les affaires pareil, puis il dit « Non, t'aurais pas dû faire ça. » Puis finalement, tu finis par tout péter, puis comme « OK, ben là, tu sais, ce que tu fais, ça fait en sorte que les humains, ils auront plus accès à une énergie renouvelable et propre, mais à quel prix, tu sais? » C'est comme le revival des shooters PC des années 90, genre. Ouais, ben c'est comme je disais, c'est décomplexé, ou est-ce qu'on fait comme... Tu sais, le 3, c'était comme lent, puis ça essayait d'être autre chose, tandis que là, c'est comme non, c'est Doom, puis c'est ça. Le 3, c'était sur quelle plateforme, ça? C'était sur PC. Ouais, moi, il l'avait sur 360. Là, mais... c'était un peu, c'était une génération c'était avant. C'était quasiment survival horror, que tu sais, il y avait des... C'est vrai, ça. Il y avait des moments où je passais pas tant de choses. C'est ça, t'avais une flashlight, puis tu pouvais pas utiliser la flashlight en même temps que ton gun. Tu sais, c'était beaucoup plus lent comme gameplay, puis c'était à la mode de l'époque. Puis là, c'est comme... On dirait que ça a comme plus besoin d'être autre chose que ce que c'est. Puis je trouve ça le fun, ça s'assume. La trompe sonneuse est vraiment intéressante dans le jeu de la façon que tu peux pas l'utiliser beaucoup. Parce que quand tu l'utilises, ça te redonne quasiment toutes tes balles. Ça fait que c'est vraiment quand t'es dans la marde, la trompe sonneuse a one-shot n'importe qui. Okay. Mais tu vas pouvoir l'utiliser une ou deux fois dans une bataille avant de trouver... du gaz pour la recharger. Mais c'est là, cool, c'est vraiment ça. Quand t'es dans la mer, tu sors la tronçonneuse, puis là, tu reprends toutes tes comme balles. Comme dans la vraie vie. Hein. Yes. C'est ça. Ça fait que, tu sais, je trouve qu'ils l'ont implémenté d'une façon qui est le fun, qui est satisfaisante, mais il faut vraiment que tu choisisses tes moments pour l'utiliser. Puis le gros bémol pour moi dans le jeu, c'est que c'est ça, souvent t'arrives dans des pièces ouvertes. Puis là, quand t'arrives dans la pièce ouverte, il y a personne, puis là, tout le monde se prend autour de toi. Puis c'est toujours un peu ça. Ouais. Au début, c'est surprenant, puis là, tu capotes. Puis après à un moment donné, c'est toujours ça. Ça fait qu'à un moment donné, l'élément de surprise il est comme perdu. J'aurais aimé ça avoir plus de variété sur comment les ennemis arrivent, tu sais, qu'ils font pas juste spawner, parce que là, ils font juste comme se téléporter. Ça aurait été le fun qu'ils sortent plus comme d'un conduit ou une porte qui se pète derrière toi, des affaires de même. Plus tout le temps comme, oh, ils spawnent, là, t'as une coupe, puis là, t'es comme... Oh shit, c'était vraiment tough, ça peut pas être plus tough que ça. Puis finalement, là, il t'en envoie 20 encore plus gros. Puis, c'est tout le temps, c'est comme. C'est tout le temps comme. C'est la démesure, en fait, qui caractérise beaucoup ce jeu-là. Ça fait que ça, c'est mon gros bémol, c'est qu'à un moment donné, ça redevient. Sans dire que ça, c'est un peu redondant, mais c'est surtout que l'élément de surprise est perdu. Okay, puis, au fond, moi, ma note, combien, j'y donne un 4. Oh. Parce que c'est quand même un excellent jeu que j'ai eu bien du fun. Bon, il y a des petits bémols. Il y avait un petit peu trop... À certains moments, il y avait un petit peu trop de platforming à mon goût. J'aime pas ça dans les jeux quand t'es comme... Il y a le vide en dessous. Ça me stresse vraiment, surtout en first person. C'est tough en first person. J'aime pas ça. Je vois pas ton ombre. Puis, mais il y a juste comme une grosse séquence de jeu qu'à un moment donné, il faut que tu montes une tour super haut. Puis il y a pas mal de platforming. Mais tout le temps, c'est comme... Dans le décor, il y a tout le temps des lumières vertes ou du vert un petit peu qui est subtil, mais qui te dit tout le temps que « OK, c'est par là, faut que t'ailles. Okay. » Ça, c'est vraiment bien fait. Ah, mais cool. C'est vraiment intégré dans la direction artistique du jeu sans que ce soit comme « OK, va là. » Mais tu instinctivement, tu le sais où aller. T'sais. Peut-être juste une petite note là, sur Doom que j'ai trouvé vraiment cool. Là. C'est que tu sais, eux autres, là, dans le fond, id Software, là, sont nés avec... c'était des shareware, tu sais, t'achetais le jeu si t'aimais les 2-3 premiers niveaux, tu sais, puis ils ont ressorti un démo PC, tu sais, puis ça se fait plus vraiment de nos jours, tu sais, c'est, je trouve ça vraiment bien, c'est dans leurs origines, il y a un démo PC qu'ils ont sorti de Ils ont fait ça pour le LOL de la nostalgie. Écoute, de... juste pour dire, tu sais, ça c'est nos origines, puis on va le faire, tu sais, puis... Il a sorti un magazine pour le mettre dedans. Ah, il aurait dû faire ça, tu sais, il a dit en disquette, tu sais, puis c'est comme, ça va être genre 24 gigs, là, mais tu sais, peut-être même plus. Là. Je l'ai téléchargé d'ailleurs, moi, l'essayer le démo. S'il est bon, je vais l'acheter d'ici la fin du Steel Cell. C'est vrai, il y a une annonce au E3. Ouais, mais tu sais, c'est plus commun, ça, c'est de vraiment nos jours, brillant. Il n'y avait plus de démons nulle part. Non, c'est ça, mais c'est eux, en tout cas, tu sais, respect. Je me rappelle d'avoir joué pas mal au shareware de Doom, puis de Wolfenstein 3D, puis d'autres jeux poches comme Jazz Jackrabbit. C'était pas poche, mais c'était... Non, mais souvenir, c'était pas extraordinaire. C'était ce que tu pouvais faire comme platforming sur un PC à l'époque. Là. C'était pas Mario Bros. Là, mais... Puis les premiers Duke Nukem en 2D de côté. Oui. Fait que good. Je pense que là-dessus, je vais enchaîner avec un jeu qui a absolument rien à voir avec ce qu'on vient de regarder. On sort du thème un peu. Ouais, on sort un petit peu. Je vais vous parler de... Mario et Sonic at the Rio 2016 Olympic Games. Ça en fait combien par année des Jeux olympiques? Ben, il y en a 4. Chaque 4 ans, avec 2 ans, il va arrêter. Juste que, ça. Tu vois, là, c'est le premier d'été. Mais ça qui suivent les Olympiques. Sur Wii U, je pense. C'est ça, c'est ça qu'ils font, ils suivent les Olympiques. Exact. Ah ben oui, parce que l'hiver est plété. Excuse-moi. Ouais, ben c'est ça. Hey, excusez. Là, ça, c'est les Olympiques de Rio, donc... ça m'énerve, ces jeux. C'est été. Alors, excuse-moi. Ça, c'est développé par Sega Sport R&D. Tu sais, Sega Sport, oui, c'est les mêmes qui nous amenaient les délicieux jeux de sport de Genesis. Puis, c'est publié par Nintendo. C'est disponible sur Wii U. Il y a une version 3DS aussi. C'est pas exactement le même jeu. Moi, j'ai vraiment testé la version Wii U qui est sortie en juin. L'autre version était sortie au début de l'année, en fait. Sur 3DS. Puis, donc, c'est ça. C'est un jeu, comme vous pouvez l'imaginer, là, d'Olympique, des petites épreuves. En fait, il y en a 14 au total. On voit le soccer à l'écran. Tu sais, t'as soccer, rugby, volleyball, de plage, qui sont comme des espèces de sports d'équipe. Mais sinon, t'as des classiques comme le 100 mètres, t'as le BMX, la boxe, le javelot, le triple saut. T'as même une espèce de course équestre d'obstacles. Ouais. J'aurais aimé ça, tir au poignet, en hommage à Track and Field 2. Ouais, il est pas là, tu sais, puis... Le hockey, en hommage ouais, à mais c'est pas vraiment des vrais disciplines olympiques, là, mais faudrait que t'aies un espèce de spin-off. Parce que même ça, là. Soccer, c'est-tu comparable à Strikers? Non, en fait, tu vois, Non, c'est Chargers, en fait, je pense. C'est Striker. C'est Striker. Mais tous les jeux comme ça, là... C'est comme une version légère, tu sais, de Striker. C'est version comme une version shareware. Genre, tu sais, c'est vraiment un jeu à, je dirais, connotation familiale. Oh, c'est pas, oui. Le gameplay n'est pas super deep. Là, c'est vraiment simple. T'sais. Le volleyball est très simple. C'est quasiment Super Spike V-Ball de l'époque. Là, ouais, OK. C'est donc, très ça doit simple. Être le fun. C'est le fun, c'est... C'est simple, il n'y a vraiment pas grand-chose à comprendre. Il y a beaucoup de trucs. Quand tu joues en solo, l'ordi, il t'aide vraiment énormément. Tu ne comptes pas les deux joueurs. Tu sais. Tu peux jouer à deux contre l'ordinateur ou tu peux jouer à quatre contre quatre. Mais c'est très, très simple. C'est une version vraiment édulcorée, je dirais, de sport normal. Soccer, même affaire. Rugby. Rugby, moi, je n'ai pas joué à des millions de jeux de rugby, il faut que je l'avoue. J'ai trouvé ça assez le fun. Là, le BMX... Ça a l'air cool, oui, le BMX. C'est très cool. Écoute, c'est comme un hybride entre Excitebike puis Mario Kart, tu sais. Ouais, c'est ça. Okay. Moi, j'ai trouvé que c'est une belle épreuve, c'est le fun. Il y a d'autres épreuves que j'ai trouvées absolument amusantes. La gymnastique rythmique, c'est tordant, cette affaire-là. Ouais, bon, franchement, j'ai aimé. OK, bon, mais écoute, la gymnastique rythmique, c'est tordant parce que c'est comme un jeu de rythme, si on veut, qu'ils ont introduit là-dedans. Puis c'est tordant de voir Eggman ou Bowser, tu sais, avec des petits bâtons dans les mains, tu sais. C'est qui le bonhomme, le lapin, là, avec un sac? Ça c'est dans New Super Mario Bros. Comment il s'appelle? New. Ah, OK. C'est un petit voleur. Je m'en souviens plus c'est quoi son nom. Wow. Il vole ton stage puis blanc, il sac son camp pour peut-être le rejoindre. Nice. Comment il s'appelle? C'est dans le chat. C'est pas grave. Ça commence Nabit. Par P. Nabit, ouais. Nabit. En anglais, c'est Nabit, mais en français, en tout cas. En mais français, lui... c'est le crotté. Comme tes enfants. L'hostie. Ouais. Mais le sprint, c'est le fun. C'est vraiment satisfaisant de prendre Sonic et de sprinter avec. Ben oui, c'est sûr. Tous les personnages ont des statistiques différentes. Il y a 35 personnages qui sont jouables dans le jeu. 35? Par contre, ouais. Mais il y en c'est a... plus que ce qu'il y avait avant. Oui, mais il y en a 21 de base. Les 21 qui sont tout le temps là, c'est eux qui sont revenus. T'en as qui sont débloquables et que tu vas juste pouvoir utiliser pour une épreuve. Dédicorn est là, mais en personnage caché. Tu peux juste l'utiliser pour une épreuve. T'as la version Dry Bone de Bowser, Dry Bowser. Il y a des petits secrets cool, comme ça. Et les personnages de Sonic sont le fun. T'sais. Moi, il y en a que je connaissais pas. Silver, c'est qui ça? Moi, je l'ai manqué là dans la série. Il est dans le jeu. Metal Sonic. Metal Sonic, c'est un classique. Mais t'as Shadow qui est là. Ouais. T'as Knuckles. Puis j'apprécie qu'il n'y a pas eu le traitement de Sonic Boom. Fait que c'est pas un gros balèze. Là, désagréable. Là. Fait que c'est le Knuckles classique. T'as Amy, t'as Tails, t'as Sonic. Puis les Mario, c'est la gang là, des Usual Suspects. Là. Ouais. Si vous jouez à Mario Party, c'est toute la même gang, là. Wario, Yoshi, Daisy, Peach, etc. Fait que ça, c'est pas des grandes surprises. Un cheval. Ouais, mais ça, c'est vraiment... il y a des petites similitudes avec un Mario Party dans un sens. Ouais. C'est vraiment... C'est un jeu qui est correct quand on joue en solo. Mais c'est ça que... vraiment meilleur quand tu joues avec des gens, tu sais. C'est ça que je me dis. Quand les épreuves sont aussi simples... Ouais. Comment on justifie l'achat d'un jeu comme ça qui est quand même assez dispendieux? C'est à peu près 80$. Hey, là, Bruno, par rapport à un party. Dans pratique, on avait dit. Ça me tente en maudit. T'es en train de piquer mes punchs de fin. Ah, excuse-moi. C'est horrible ce que tu fais. Là, je suis d'accord avec toi. Je peux dire que le bémol de ce jeu-là, c'est un jeu qui est vraiment le fun. Ça, c'est la gymnastique rythmique. C'est joli. C'est un jeu qui est vraiment le fun. J'ai eu du plaisir à jouer à ça, tu sais. Puis quand tu joues à deux, c'est encore plus le fun. Puis à quatre, ça doit être encore plus intéressant. Mais c'est quand même 75$, tu sais. Ouais, là, tu avant dis, c'est un prix, c'est plein prix, là. Tu sais, là, on voit Dry Bowser, là. Fait que, tu sais, tout est le fun. C'est comme un track and field moderne, tu sais, bien fait. Les graphismes sont beaux. C'est beau quand même. C'est joli, tu sais. Mais coloré, je paierais jamais 75$. Mais c'est ça, c'est là que le bas blesse. 75$. Avant la taxe, ça fait 85$. C'est ça le problème. Ça n'a pas d'allure. C'est le plus grand problème de ce jeu-là, tu sais. T'as un mode en ligne qui est disponible, mais c'est pas un vrai. Tu joues pas contre des joueurs en temps réel. C'est plus genre, tu vas jouer contre des ghosts. Tu vas faire une course, puis c'est comme à Mario Kart quand tu joues contre les ghosts sur ta piste, tu vas courir, tu vas faire quart de finale, demi-finale, finale. OK. Quand même intéressant parce que c'est des scores de vrais joueurs. Ouais. Mais c'est pas live là. Ça a été toi quand tu fais tes scores sur la piste, t'es envoyé au central. Tu sais. Ouais. Il y a des éléments intéressants comme pour débarrer des nouveaux costumes pour ton Mii. Peux-tu jouer avec ton Mii dans le jeu? Oui, tu peux jouer avec ton Mii, mais ton Mii a pas des bons stats. Tu sais, tous les personnages ont des stats différents puis avantagés, mais ton Mii est comme poche dans tout, tu sais. Mais quand tu joues en multijoueur... Comme dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Mais quand tu joues en multijoueur en ligne, tu prends ton Mii, fait que tout le monde est égal, tu sais. j'avais comme pas catché là, vraiment à retardement. Mais fait que tu sais, en ligne, tout le monde joue avec leur Mi, tu sais, comme ça, il n'y a pas un gars qui pogne Sonic pour sprinter. T'sais. Poche, tout le monde fait est poche. Tout le monde est poche. Fait que c'est juste des skills. C'est pure skills. C'est beau, c'était le fun de voir Donkey Kong et Tails jouer au ping-pong. Ouais, c'est ça. Je trouvais qu'il y avait une belle. Avec une petite coccinelle. Ouais, tout est beau. Tout à fait. Puis il y a des petits caméos. Tu sais, t'as Birdo qui est là-dedans. Ouais. Tu sais, t'as les joueurs de football de Mario quand tu joues au rugby. Ouais. Il y a une couple de clins d'œil, le fun, de personnages de tous les univers. Tu sais, t'as Vector, un crocodile de l'univers de Sonic, que personne ne se rappelle. Eggman est là. Il creuse en Moses. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment le fun. C'est cute. Tu sais, le mode en ligne, c'est correct, tu sais. Ouais, mais ça aurait pu être mieux. Le prix, ça reste 75$, tu sais. Qu'est-ce que le monde sur Passnote en pense du prix? Sur quoi? Sur Passnote. T'es-tu allé... Non, c'est quoi ça? En parler à la communauté. Ah non, j'ai pas parlé à la communauté, tout à fait. On sait jamais, tu sais. Non, non, mais... Fois, sur Passnote, il se passe des choses. Mais écoute, tu sais... Hashtag Passnote. Le monde, c'est ça... Mais tu sais, je dirais, c'est le fun, vous allez avoir du plaisir, mais il n'y a pas assez de contenu pour justifier le prix. T'sais, là-dedans, ça se passe dans un hub. Il y a des affaires le fun dans le hub, comme genre, quand tu rencontres un gars, d'un autre pays, il va t'expliquer c'est quoi son pays. Fait que là, genre, tu parles à du monde, tu dis, hey, moi, je viens du le Canada. Le Canada, c'est genre, savais-tu que l'animal emblème du Canada, c'est le castor? Il se retrouve même sur la pièce de 5 sous, tu sais. Fait que quand tu parles à un gars de, je sais pas, tu vas dire Cameroun, tu sais, il y a plein de pays, t'apprends des choses. C'est super le fun. Moi, honnêtement, j'allais parler à tout le monde dans le hub, pas rapport, juste pour voir qu'est-ce qu'il me disait. J'ai trouvé que c'était un petit feature vraiment le fun, éducatif pour les enfants. Tu parlais de la ville souterraine de Montréal? Non, pas du tout. En fait, c'est trois... Les chats de Montréal qui pissent sur les chars. T'as juste trois panneaux pour expliquer ton pays. Fait que ça reste limité, mais c'est quand même des affaires le fun. Non, il a pas parlé des chevaux. Ouais. Est-ce qu'il y a des aspects... Là, c'est supposé être les Olympiques de Rio. Est-ce qu'il y a des aspects culturels du Brésil qui sont intégrés dans le jeu? La plage, en fait, je te dirais. Mais quand tu parles un gars du Brésil, il parle du Brésil. Okay. Il dit ça parle portugais. Tu sais, mais c'est pas tant que ça. À part le décor qui est Rio, là, 100%. Ouais. J'ai vu un documentaire une fois sur une hostie de bestiole épouvantable au Brésil qui pique le monde sur les plages, mais qui pique aussi les animaux à la ferme. Puis ça te pique, puis ça rentre une larve sous ta peau. Puis, tu sais, quand t'as ça en tant qu'humain, il faut que t'ailles chez le docteur tout de suite, mais les vaches, on le sait pas, là. Puis là, ça fait une grosse tabarnak de boursouf sur les vaches. Puis là, dans le documentaire, le gars, il était là, ouais, fait que check cette vache-là. En a une là, en a une là. Là, il pèse avec ses doigts là-dessus comme un gros bouton. Puis là, splash! Une explosion de pus, puis une grosse tabarnak de larves comme une chenille qui vole dans les airs. J'ai vu ce truc-là, ça. Je veux jamais aller au Brésil. The more you know. Les gros feature de même était pas dans le jeu. Ça aurait été intéressant. Un couple de vaches sur le bord. Mais ça aurait pu être une épreuve. Le pétage. En tout cas, wrap up. Jeu très plaisant, mais il n'y a pas assez de contenu pour justifier le prix. T'sais, moi, je donne la note de 3 sur 5. Il y a du plaisir à avoir là-dedans. Un moment donné, après les Olympiques, il va peut-être tomber un peu moins cher. Je vous conseille de ramasser. C'est le genre de jeu pour qui va tomber pas cher. Pour jouer avec des amis, c'est le fun. Les enfants, c'est très, très kid-friendly. Ouais. Mais malheureusement, tu regardes un jeu à 75$, tu as Doom, Uncharted, les Mario Wii U, mais ça, il manque de contenu. Fait que, bon jeu, mais il y en a juste pas assez. Exact. Bon, cool. Tabarnouche. Moi, je vais vous parler d'un RPG. Oh, c'est comme... Faut l'écrire... Tu parles tellement d'un RPG cette année. Faut l'écrire. Ouais, ce temps-là... Tu joues de plus en plus à des RPG. Ouais, j'ai redécouvert l'univers des RPG avec joie. Je sais pas, je m'y donne, je m'y mets. Et puis... Les enfants grandissent, t'as plus de temps. C'est ça exactement, tu sais, ils sont capables de comprendre. Ah ouais. Non, puis en plus de ça, tu peux jouer en remote play à partir de ta PS4 sur un ordinateur. Ça aide aussi. Quoi? Tu joues à job? Non, je joue pas à job. Non, je joue pas à job, mais je me suis aperçu que je peux. Je me suis aperçu que tu peux mettre ton ordinateur dans ta cour, mon gars, jouer à PS4 dehors. Quand ils disent va jouer dehors, c'est ça que je fais. Fait que. Man, des skills que t'as. Exact. Fait que là, ce soir, je vous parle de Technomancer. Oh. Technomancer, c'est développé par Spiders. Spiders, eux autres, ils ont fait plusieurs jeux comme Beyond the Flame, si je me trompe pas. Bref, c'est du monde qui ont déjà travaillé sur des RPG moyens jusqu'à maintenant. OK. Puis Technomancer, c'est un jeu en fait qui se dit un RPG qui est inspiré des grands. C'est un RPG qui on pourrait dire que c'est un mélange entre Mass Effect, entre Witcher, okay. des jeux comme ça. T'sais, Mass Effect, okay, Witcher, okay. Ça pourrait même le système de combat, il y a un petit côté où on va s'inspirer de Batman aussi. Okay. Fait que c'est action RPG un peu. C'est la Kia des RPG. RPG. Ouais, c'est la Kia des RPG. Elle fait tout. Elle fait tout. Elle s'inspire des plus grandes. Égal. fait que c'est ça. Fais-tu moins cher à l'achat? Tu fais-tu du bon travail? Non, mais je m'inspire vraiment des plus grandes. Ah, OK, c'est good. J'ai une Kia, tu sais. Oui, c'est vrai. Non, il y a des beaux modèles. Je les ai magasinés. Il y a des beaux modèles. Ben oui, check bien notre audience droppée après ta commentaire. Bref, c'est ça. C'est quand même un projet assez ambitieux. Là-dedans, on incarne un technomancer. Et puis, c'est en fait des êtres qui ont des pouvoirs justement un peu plus puissants. Ils sont capables de lancer de l'électricité. Ils ont des pouvoirs scientifiques qui sont impossibles à comprendre. C'est des mutants. On est sur la planète Mars. Puis, on est du côté finalement de l'autorité. Puis, on va aider les gens à sortir du trouble. Mais aussi... On va être un peu dans l'oppression, c'est-à-dire qu'on va frapper des gens qui veulent aller voler de l'eau, qui veulent démontrer que notre gouvernement fonctionne peut-être pas de la bonne façon. Fait qu'il y a beaucoup on est des pas fins dans le fond. Ouais, ben c'est ça, il y a bien des questions morales. On représente la loi d'un pays corrompu, là. C'est ça. Puis tu sais pas trop de quel bord que t'es. Fait que, tu sais, la base de l'histoire est quand même assez intéressante, même si ton personnage a vraiment l'air d'un mangeur de marde. Ton personnage est vraiment... Il est pas aimable. Tu peux changer son visage, tout ça, mais il est pas aimable. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même difficile au départ. Puis même, je veux dire, son histoire comme telle est difficile à être intéressante parce que même au bout de 10 heures, j'avais encore des doutes sur qui j'étais puis qu'est-ce que je faisais. Bref, là-dedans, on a un système de combat... On a trois stances, si on peut dire. On a un stance que c'est le combattant où on a un bâton avec un bouclier. On a un autre où on a deux bâtons. Et on a un autre qu'on a un méchant grand bâton. Tout ça est altéré avec la technomancie, si on peut dire, là, avec nos pouvoirs électriques qu'on voit présentement à l'écran. Puis on va pouvoir mettre à niveau toutes ces choses-là. En battant du monde, puis aussi en tuant des bébites, parce qu'il y a énormément de bébites sur Mars. C'est un jeu qui est quand même, visuellement, il est quand même très beau à certains moments pour ce qui est de l'environnement, mais pour ce qui est des personnages, il y a vraiment énormément de faiblesses. T'sais, ton personnage va parler, puis tu vois qu'il y a juste sa bouche qui bouge, les yeux bougent pas, la face bouge pas, on a vraiment coupé les coins ronds, il n'y a aucune émotion qui va se... qui va sortir de ces personnages-là. Puis même aussi pour tes équipiers, parce que tu rencontres des gens aussi qui vont t'aider dans ta quête. Tu vas avoir des parties différentes que tu vas pouvoir former. T'sais, tu vas pouvoir avoir certaines personnes. À un moment donné, on rencontre un mutant, entre autres, qui vient nous aider. On rencontre une fille qui est contre l'autorité, un gars qui est pour l'autorité. À un moment donné, tu te rends compte qu'il y a un gars qui est dans ton camp, mais qui est un crosseur. Fait que là, tu vas aller le chercher et tout ça. Fait qu'il y a des côtés de l'histoire, des revirements de l'histoire qui sont intéressants. Malheureusement, le combat tombe à plat parce que c'est très flou et c'est très difficile quand même parce que tu te bats, t'as pas énormément de combos que tu peux faire puis il faut que tu t'évades tout le temps. Tu sais, toi, tu vas frapper un gars, là, t'as monté ton bonhomme pendant 15-20 heures puis là, tu vas frapper le bonhomme qui est en avant de toi qui est juste un petit gars avec un bâton. Puis Krim va te donner deux coups de bâton, puis il va te tuer. Là, ça va t'en prendre 30, tu sais. Ouais. Fait que ça devient super frustrant. Parce que moi, je me disais, ah, c'est normal, tu sais. Je suis au début de la partie, ça fait 5 heures. Faudrait pas que je m'en fasse avec ça. Mais non, là, ça faisait 20 heures. Puis Christy, j'avais encore de la misère à les battre. Pas parce que j'étais pas bon. Je suis rendu excellent à l'évasion en passant. Je peux être le meilleur gars qui s'évade dans un jeu. Mais par contre, tu reçois deux coups, puis tu crèves. C'est pas cool. Bref, il y a vraiment une évolution au cours du jeu, puis tu as plusieurs quêtes. Tu peux avoir des quêtes secondaires, des quêtes principales. Il y a vraiment énormément de contenu dans ce jeu-là. C'est un jeu qui en donne vraiment beaucoup. Fait qu'on peut pas dire qu'ils ont coupé les coins ronds sur le contenu. Il y en a en masse. Tu peux tout changer, tout évoluer, tout arranger. Le problème là-dedans, c'est que tu remarques pas une réelle évolution dans ce que tu vas améliorer. T'sais. Même si mon bonhomme, là, il a l'air super badass, ça aide pas tant que ça. T'sais, t'as vraiment trop d'améliorations à avoir pour voir un changement. Puis encore là, tu te demandes si ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut jouer en furtivité. C'est-à-dire qu'on peut jouer sans se faire voir et aussi on peut jouer en combat. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même bien, sérieusement, parce que ça nous permet d'approcher les missions de façon différente, ce qui est très, très agréable. Mais au final, on se fout de l'histoire, ben raide, parce que c'est... Ah ouais, sérieusement? Ah ouais? Ouais, parce que c'est... un RPG, tu sais. C'est ça qui avait de l'air intéressant. Ouais, mais c'est parce que l'histoire, elle commence intéressante, puis les personnages sont... Il n'y a aucun personnage là-dedans qui est aimable ou qui livre... une performance qui est intéressante. Ah ouais. Ouais, c'est ça, ils ont tous l'air génériques un peu. Ils sont tous génériques, fait qu'au final, tu finis par être écœuré, tu sais, tu finis que tu t'en sers que si ton personnage à toi meurt ou s'il tue tout le monde sur son passage, tu t'en fous. Tu te fous des bébites parce qu'elles sont quand même assez génériques, tu sais. Tu te fous des boss, tu te fous du monde qui sont là, tu sais, puis t'arrives, à un moment donné, tu sais, fallait que. Ouais, tu te fous de tout. Sérieusement, puis. Tout ce que tu veux faire, tu sais, tu veux ouvrir ta map puis te rendre du point A au point B au plus sacrant pour améliorer ton bonhomme parce que tu te dis, ok, il faudrait que je devienne plus fort un moment donné. Ça donne-tu le goût de grinder pour l'améliorer? Ben, moi, je grindais comme un esti de fou parce que je me disais, rendu à une coupe d'heure, un crime va être bon. Là, c'est ça, ça faisait 20 heures. J'ai lâché le jeu. Ouais, j'en ai vraiment mis beaucoup. J'ai lâché le jeu à peu près à 22 heures, tu sais. Mm-hmm. Parce que là, j'étais rendu à 20 heures. Je grindais, mon gars, comme ça. C'est pas possible. Mon bonhomme était rendu vraiment fort. Mais en termes d'arbres, en termes de force réelle, il n'y en avait pas nécessairement. Okay. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'il y a des bonnes idées. Tu sais, les trois stances pour le mode de combat, c'est intéressant, dépendant de comment t'aimes te battre dans un jeu. Il y a des personnages intéressants, il y a des storylines intéressantes, tu sais. T'as-tu réparti tes points comme un noobie dans trois trous? Non. Non, mais des fois, c'est ça, tu sais. Okay. Non, moi, j'étais un gros fan du gars au grand bâton. OK, c'est beau. Fait que... Mais des fois, c'est juste que... J'ai tout mis mon top. Il y a certains RPG où est-ce que t'évolues, mais les ennemis, ils scale. Oui. Selon ta force, fait qu'au final, tu sais, c'est comme t'es comme plus fort, mais en réalité, ça donne rien. Ça change rien. C'est ça, ça change rien. Okay. Puis si au moins l'histoire avait pu me garder là, pas vraiment. Mmh. Puis les performances m'ont pas gardé là. Tu sais, quand tu joues à des jeux comme Mass Effect 3, j'ai pas joué aussi longtemps que vous autres, mais ce que j'ai joué m'a vraiment plu. Puis c'est, tu sais, tu vois à quel point, je veux dire, dans un RPG, l'histoire puis les performances... Ah, ça compte! C'est ouais, important. Ça compte quand même. Role-playing game. Ça, la pire chose qui peut t'arriver dans un RPG, c'est de pas savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Ouais. Parce que tu joues un RPC pour rentrer dans l'histoire, pour que ce soit immersif. Ouais. Puis tu veux prendre à cœur ce que tu fais, mais si tu sais pas pourquoi tu es en train de tuer telle personne... Ouais. Mais là, c'est parce que non seulement ben ça, c'est comme, mais c'est comme écouter un film. Ou sac. Oh, mais Mario, c'est clair, c'est parce qu'il y a une espèce de point d'exclamation au-dessus de sa tête. Non, ça, ouais. Genre, j'ai pas besoin d'autre. Ça me met en tabarnak du monde. Exact. Ben, Zardoz a chanté, fait que je vais arrêter ça là. Bref, n'achetez pas Technomancer. Vous devriez peut-être le louer, par contre. Ça peut être intéressant pour certains fans de RPG, surtout les fans de RPG sur PC des années 90. Donc, je lui donne un 3 sur 5. Excusez-moi. C'est quand même alors, généreux. Je te regardais avec un regard vide, genre. Je me souviens pas. C'est généreux. Ça. Ben, tu sais, c'est parce que j'ai quand même joué 20 heures. Fait que ça, j'ai quand même réussi à avoir un certain fun avec ça, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai développé une force avec le combat. T'as eu du fun avec le grand bâton, dans le fond. J'ai du fun avec le grand bâton, puis avec certaines des idées, puis avec le monde comme tel est très intéressant. De la manière qu'ils ont fait Mars, j'ai trouvé ça le fun. Fait que c'est ça, grand bâton for the win, mais... Okay. Ça fait qu'on a eu deux jeux sur Mars, puis deux jeux avec des corniches. Ouais, ouais, des corniches, ouais. Là-dedans aussi, c'est je veux dire que quand tu montes une corniche, quand t'arrives en haut, ton bonhomme, il ralentit pour se rendre... Là, j'ai monté la corniche. Là, le jeu à l'OD. Les corniches dans les jeux vidéo, man, quel plaît. Ouais. Un fléau. On devrait arrêter ça. Plus de corniches en 2017, sur un gros pancarte. C'est tellement 2002. Mais, hein. Fait que that's it. All right. Jeff, as-tu des fun facts aujourd'hui? Ouais, on va aller en pause, puis j'ai 5 fun facts très rapides. Oh yeah! Merci pour vous. Fait qu'on s'en va en pause. De retour. All right. Donne-y, Billy. Alors, c'est un shot. Ah ouais, Billy, donne-y. Fait que 5 petits fun facts cette semaine pour vous. Très rapide, voyez comme ça. Manhunt, un jeu que Bruno affectionne particulièrement. Si jamais vous allez en Nouvelle-Zélande, assurez-vous de ne pas traîner ce jeu-là avec vous. Parce que c'est une offense criminelle là-bas d'avoir Manhunt en possession. Ah oui? Ouais, le jeu a été banni depuis le 11 décembre 2003. Tabarnouche, c'est un crime de posséder Manhunt. Ouais, c'est contre la loi de posséder ce jeu-là en Nouvelle-Zélande. Wow. OK. Wow. Fait que, je sais pas, je pense pas que ça va jusqu'à l'emprisonnement, là, si tu fais pogné avec ça. Mais, la pendaison doit être une forte amende en beaucoup de dollars. Ouais. Wow, imagine, tu l'as chez vous pareil dans ta collection, ça flash. C'est une New Zealand dollar, ouais, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais ils courent pas après le monde avec ça, là. Ils doivent s'en crisser. Ouais, c'est 2003, là. Ouais, c'est ça. Living on the edge. Tu veux repousser tes limites, Bruno. Ouais, c'est ça. Quand t'arrives à Douane, c'est... Oh, Douane, ouais, il y a une photo de ça. Tu mets juste à la frontière. Pas une bouteille d'eau, puis pas Manhunt. Il y a Manhunt, il y a après ça, il y a Carmageddon, il y a genre Postal. Dead Race, l'arcade. Deuxième fun fact. Animal Crossing. Ouh! Avant qu'on se fasse picher les petits casques d'animaux. Il était interdit en Nouvelle-Zélande. C'est juste ça. Une game de Animal Crossing sur GameCube aurait le potentiel de durer jusqu'à 29 ans en vrai temps humain. Ouais. C'est de la torture ça, jouer pendant 29 ans. Un vrai 29 années là, fait que... Tom Nook serait. Mais mettons t'étais dans Hells puis tu t'es fait pogner pour meurtre. Si t'as 25 ans automatique. Tu peux passer tout ton temps là. Tu te startes une game en arrivant. Puis, tu sais, déjà, ça doit être moins pire. Ben oui, c'est vrai ça. Puis, tu sais, ça te calme parce que c'est Animal Crossing. Ouais, ça calme, ça c'est clair. C'est moins violent. C'est relax, ils se souviennent de ta fête. Exact. Je sais pas si on a le droit d'avoir des jeux vidéo en prison. Tu sais, ont-tu des petites télés dans le cinéma? Ouais, une sorte de. Sérieusement, tu peux sûrement substituer les cigarettes par ça. Ouais, tu disais, moi, c'est ma drogue, c'est vrai. J'en ai besoin. Puis, Non, mais si on avait le droit en prison, je gamerais tout le temps. Oui. C'est en prison. Une cassette rouge, fait un bout. Moi, je te dirais peut-être, Dominique, c'est dégravé. Vérifie avant d'aller faire la dépense. Ouais, c'est vrai. Non, ouais. Juste de même. Là, Ils m'ont dit qu'on pouvait gamer en prison. Faites ça rien que pour ça. J'avais lu, je pense, en Chine, il y avait des gardes qui torturait pratiquement les prisonniers à les obliger à jouer à World of Warcraft pour farmer du gold et revendre de gold sur des sites Chinese de revente. Gold farmers, c'était ça? En prison? Wow! Ben, tu sais, c'est malade. Juste dans une prison que c'est arrivé, là, mais apparemment que ça se passait en Chine. C'est bon que tu parles de prisonniers. M'a sauté un fun fact, m'a passé au quatrième tout de suite par rapport à Golden Axe. Ouais. Oui. Toutes les voix dans ce jeu-là ont été doublées par des prisonniers qui étaient sentencés à une peine de mort. Tabarnak. Fait que le monde sur Death Row, là, c'est tous eux autres qui ont fait les voix de Golden Axe. Quoi? Shit! Ouais. Puis ça a été vérifié par plusieurs sources. Là, je l'ai pas dit de la main, fait que j'ai vérifié, puis ça a été. J'ai vu ça dans plusieurs sites web. Là. Ben voyons donc. Probablement parce qu'ils voulaient pas les payer. J'imagine que c'était ça, couper sa production, mais. Merde! Ça n'a pas de sens! Hey, c'est fou, là! C'est vraiment fou, là! C'est épouvantable, man! Aïe! Peut-être qu'ils ont décidé collectivement que leur dernier souhait, c'était de faire la voice-over. D'être dans Golden Axe. Si tu te fais condamner à mort, ton dernier souvenir, c'est que tu as fait un cri dans Golden Axe. Non, mais c'est comme si on te dit, on te met dehors à la job, mais que tu rentres pareil travailler là. Ouais, tu sais, pas motivé, là! Tu sais, t'es mort pour un cri qui ressemble à. Oui, ça c'était proche. C'est Richard. Ça c'est très proche. Ouais. T'es déjà mort en dedans. T'es pas en dedans. Hey, ma dernière. Hey, ce fac-là, moi, il me touche. Il trouve, vraiment. C'est vraiment troublant. Tabarnouche. Fun fact numéro 4. Dans le jeu Donkey Kong Country 2, à la fin, on te présente un rapport de ton bonhomme par rapport à trois personnages de jeux vidéo. Donc, Yoshi, Mario et Link. si on regarde comme du monde en bas à droite de l'écran, là, je l'ai grossi un petit peu. My God. Les souliers de Sonic. On peut reconnaître les souliers de Sonic et le gun de Earthworm Jim. Ouais. Avec la mention No Hoppers. Fait, qu'est-ce que ça veut dire, No Hoppers? Ben, pas le droit d'embarquer dans la gang. Genre. C'est ce que j'ai compris de la traduction un peu libre là, que j'ai faite. Tu peux pas embarquer sur le... Fait qu'ils ont comme contourné les copyrights de Sonic et d'Earthworm Jim en les mettant de cette façon-là dans... Je suis surpris d'Earthworm Jim, par exemple, parce qu'il est très subtil, le gun. Les souliers, il reconnaît, mais le gun, il rend subtil. Complètement indépendant. C'est-tu Rare qui a fait Earthworm Jim? Non, c'est... Non. Pas du tout. C'est un indépendant qui a construit ça. C'est pas... C'est Interplay. C'est publié par Interplay au Super... pas sûr. C'est Play. C'est Interplay qui a publié Earthworm. On va te le dire, Steve, en sortant à boîte. Mais si t'enlèves le R et le S, ça fait No Hope. Ouais. Ah. Ah ouais. Je sais pas si ça avait un rapport, mais... No Hoppers. No Hope. Attends un peu, je vais vous le dire. Là. Tiens, j'allais ici de la boîte, là. Ouais donc. Ah, on peut pas zoomer in de ces cochonneries, là. Ben, c'est un petit, là, regarde, tu vois, là, c'est un petit P. Playmates, c'est autre chose. Là. C'est que c'est autre chose. Ce jeu-là n'a jamais été affilié de publisher. Ben, il a été créé par un indépendant. Ouais. Comme le personnage d'Out of This World, tu ne vois pas dans les autres jeux. Là, Another World. Ben, Earthworm Jim non plus. Ouais. Ça aurait été le fun, par exemple. Parce que parle-moi d'un personnage qui a de l'attitude. Ben, oui, la je l'adorais. Là, pas mal plus intéressant que tes bonhommes morts à Necromancer. Là. Tes bonhommes sans vision. Là, sans... Puis, dernier fun fact. Necromancer, c'est un film d'horreur. Non, mais ben, c'est comment il s'appelle? C'est Technomancer. Ben, là, c'était pas si loin que ça. Là, mais moi aussi, je me trompais tout le temps. Ben, tout le temps parce que t'as parlé de Shows of the Necrodancer. Necrodancer aussi. Aussi. Fait que là, arrête de jouer à des jeux qui ont tous les mêmes nombres. Tabarnak. Qu'est-ce qu'il y a de Dancer dedans? C'est ça qui m'a dit. Le dernier fun fact m'a testé vos connaissances générales de Super Mario World. Pouvez-vous me nommer le vilain qu'on voit en haut? Les petits rhinocéros, là. Ah, j'ai oublié le nom de ces affaires-là. Reznor. Exactement. C'est Trent. C'est Reznor. Ça s'appelle des Reznor, puis Nick vient de me voler mon punch. C'est exactement. Ben, c'est écrit sur la planche. Ouais, c'est écrit là. Où ça? Sur la planche. C'est écrit là. Ah, ben oui, j'ai Reznor. Mais ça vient vraiment de Trent Reznor de Nine Inch Nails. Ça a été inspiré par ça. Mais c'est-tu juste dans la traduction américaine? Non, c'est vraiment ça dans la version japonaise. Même aussi, au Japon, je crois, ouais. Puis. C'est pas le seul personnage qui est inspiré par un musicien. En fait, on voit en bas les Koopa Kids ou les Koopa Lings, dépendamment de quel site vous consultez. Ouais, ouais. Ben, tous les noms de ces Koopa Lings-là ont été inspirés par des musiciens. Fait que leurs noms, eux autres, c'est Iggy, Larry, Lemmy, Ludwig, Morton, Roy et Wendy. Fait qu'on peut reconnaître Iggy Pop, Lemmy, qui est décédé récemment. Quel maître. Fait que c'est tous des noms de musiciens. Ludwig, Van, Ludwig Beethoven. Probablement, exactement. Ouais. Ah, c'est fou, hein? C'est hot. Mais c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, Wendy, tu peux confirmer que c'est des ça. Des fameux burger Wendy. Ouais. Ouais, Wendy, je sais pas, j'ai pas trouvé celle-là, c'était qui. Faudrait ni Morton, ni Roy, celui-là, je sais pas trop c'est qui. Mais... Roy? Ouais, Roy. Roy Orbison. Roy Orbison. Peut-être. Ouais. Larry, je sais pas. Ça serait moche. Larry, Larry David? C'est pas vraiment un musicien. Arrête d'inventer des affaires, Bruno. Larry, non, mais... Larry Smith? Larry Robinson, peut-être? Larry Robinson. Joueur de hockey, c'est un du fait que c'est ça, c'était mes 5 fun facts de la semaine. Moi, je pense que c'est Larry Flint. Peut-être. De Penthouse. Ça se pourrait, mais c'est pas un musicien, à moins qu'il joue de la musique dans ce temps. Ouais, mais ça, on s'en sac. Ouais, il y a une collaboration proche entre Penthouse et Nintendo. On s'en sac pas, exactement. Ça dit que c'est la musique. Quand on y pense. Ouais. Fait que faites vos recherches pour savoir. Larry Bird, peut-être. Ouais, crime, le grand basketballeur blanc. Oui. Qui est tout à temps. Le grand blanc. Ben ouais, le grand blanc. Au mont, les monts grands blancs. Il était capable de manger son nez avec ses dents. Il était écœurant. Il y avait un grand nez fourchu là, par en bas. Je collectionnais des cartes de basket plus jeune. T'as déjà suivi le sport, Bruno? J'ai déjà suivi de façon intense le basketball. C'est décevant. Ouais. Hey, dans le temps qu'il y avait l'émission NBA Action, NBA Action, je pense. Moi, j'écoutais ça, je capotais. Comme j'avais un jersey des Hornets. Ben, tout le monde avait un jersey des Hornets. Tout le monde avait du Miami Heat. Ouais, ça, c'est un peu des Lakers. Team Celtic. Jamais la Rebirth. Gros manteau baggy blanc. Là, des gros manteau starter. Là. Que t'as acheté blanc, chez qui vire brun tout de suite. Là, t'as l'air d'un esti d'enfant de PS avec ça. Alors que tu l'as payé 250$, mais tu l'as acheté blanc. Ah ouais. C'est ça. Tu t'es assis à terre. Ça jaunit, ça brunit en deux secondes. Fait que c'était les fun facts pour cet épisode. Ton de wow. Il était bon. Avec ton... Ton manteau starter blanc des Hornets, taché. Défraîchi, taché brun. J'en avais un. C'est pas drôle. Je pense que je l'ai encore. Je suis fatigué, c'est-tu. Ah ouais. Excusez-moi. Moi, quand on parle de piquerie, écoute, je m'exclave de rire. Ah ouais. Fait que la discussion de cette semaine, pour revenir sur ce que Dom parlait en début de podcast, ouais. Les remakes, incluant Mighty No. 9. Oui, ben, monsieur. C'est un remake, ça. Moi, j'ai pas trop catché ce qu'il fallait qu'on parle. C'est... Ah ben, moi, je pense qu'on tout parle. Tout le monde de... est trop occupé à job aujourd'hui pour qu'on en vienne au point. Hey, la discussion à soir, les boys, personne n'a répondu. Moi, je pense qu'on va parler des remakes. Inspirés de ou précisément. Des remakes ou des reboots. Ou ouais. des jeux qui ont été inspirés d'un original puis qui ont donné un nouveau jeu. Ce soir, on parle des jeux. Ouais, ce soir, on parle des jeux. Mais moi, en fait, dans ma liste, je me suis mis des remakes et je me suis mis des reboots. Okay. Parce que pour moi, ça rentre un peu dans le même... Ouais, c'est assez semblable, en effet. Là. C'est pas mal des mêmes affaires, là, tu sais. Ben, remake, ça va être le jeu original. Un reboot, c'est comme... Tu sais, Castlevania, Lords of Shadow, c'est genre un reboot. Là. Ouais, c'est un reboot. Mais c'est pas du tout un remake de Castlevania, mettons, non, exactement. Qui serait plus Castlevania Chronicles. C'est ça. Sauf que, tu sais, on pourrait dire que Castlevania Chronicles... Il n'est pas du tout un remake. C'est ça, c'est même pas un remake non plus. Non c'est plus. Inspiré d'eux aussi, ouais. Castlevania est un mauvais exemple. Ils n'ont jamais fait de remake authentique, exact. Pareil. Par contre, comme j'ai parlé au dernier... Il y a une scène qui s'en vient, ouais, ouais, ça c'est inspiré de ça, ouais. C'est genre ben, le Mighty comme... No. 9 de Mega Man. D'ailleurs, le monde qui ont joué à ça, ils ont vraiment trippé. Ouais. Hein. Pareil ben, que, ça a l'air très bien. Ouais. Ça a l'air très réussi. Le monde se soulage avec ça. Ouais. Fait que moi, je suis bien content. Se ah oui! Le monde ont été comme. Ils ont été abusés d'eux-mêmes par Mighty No. 9. Là. Ils vont voir Bloodstained. Ils sont comme ah oh, man, ah, là, je suis bien. Fait que. Ouais. Mais Wild Guns Reloaded, ça serait vraiment un remake. C'est un remake. Ouais. Avec une couple de petites affaires de plus, bien sûr, ouais. Mais ça, c'est très remake. C'est vrai. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça quand même, parce que l'original est excellent. Ouais, j'ai joué en fin de semaine passée. J'ai eu du fun. À c'est deux fun pour la première fois de ma vie. Tu sais, je suis pas capable de finir. Bon, j'ai pas essayé longtemps. Tough, mais à deux, man, c'est une partie de plaisir. Après Mighty No. 9, là, avec Eric, là, on a eu du fun en tabarnak. T'aurais dû jouer à Magon après, ça aurait mis les affaires ouais, en perspective. Ouais, on est retombé down encore. non, mais ah, Magon. À Magon, là, t'aurais pu voir ce que je vois. Ah ouais, jeu, man. Les yeux fermés, pas, j'aurais vu au loin. Exact. Il n'y a pas de remake de Magon. C'est malade. Ben, on est dû. On est dû en mode Kickstarter. On parle de Kickstarter. Un film, un animé. Non, mais un remake de Bayou Billy. Un animé, tu t'es rendu loin. Un animé. Il y a du merch, tu sais. Ouais, mais on a tous déjà rêvé, par tous, je veux dire moi, quand t'es petit et maigre, qu'à un moment donné, tu pognes une canette de quelque chose puis tu viens un esti de bif géant. Là. Ça, ouais. Telle est l'histoire d'Amagon. Ouais. C'est un petit cul qui est pas gros, puis c'est qui vrai. Peut devenir énorme. Mais t'as plus de reach, par exemple. Après, non, t'as plus de reach. C'est comme des coups de main. Donc tu frappes des. Ouais, c'est bon, vrai. Ben, je vais prendre mon verre. Quelqu'un prévient. Faut que tu te couches à plein ventre, tu sais, pour prendre ton verre. Tu vas me faire voler, anyway. Des petits défis, là, en effet. Des petits de merde. Mais là, hey, ça n'a pas rapport pas à tout ce qu'ils ont dit, les gars. Ça n'a aucun rapport. Sortez-nous des remakes, là. On a parlé de remakes. Moi, j'en ai plein, mais Nick, t'avais vraiment l'air d'être parti pour en donner un. Tu veux-tu en donner un? En donner un. Non, mais. On se revoit la semaine prochaine. J'allais être ultra original. Moi, j'allais parler d'un remake que j'ai trouvé bon. Oui. C'était Super Street Fighter 2 Turbo, qui est sorti à la PS3, Xbox 360. Oui. Puis, ce remake-là, il est particulier parce qu'ils sont partis de l'engin original du jeu, puis ils ont mis des nouveaux graphiques par-dessus. Ça me dit rien, pas en tout, ça. Oui. Ouais, c'est un Turbo, super. Ouais. Seulement. Turbo avec Akuma, dans le fond. Ouais. Fait que Gookie. Pour les Japonais. Ok, mais Turbo dans ma tête. Ok, ouais, non, Turbo. Super Arcade, Street Fighter 2 Turbo, là. Fait que c'est la dernière version de Street Fighter 2 qui a existé dans, comme l'évolution de la série du 2. Là. Avant le 3, ouais, c'est ça. Exactement. Fait que là, cette affaire-là, ils ont fait un remake. Oui, c'est un remake. Puis il était le fun parce qu'il était moderne, ils ont mis des nouveaux graphiques. Mais ce qui était bon dans ça, tu sais, tu veux du gameplay tête, tu veux l'engin de jeu quasiment original. Ouais. Ils ont corrigé un petit peu les problèmes de balance. Il y a des personnages qui étaient un peu trop forts, il y en a qui étaient un peu moins forts. Fait qu'ils ont corrigé ça. Mettons, les frames au niveau des coups. Mais c'était bien fait. Puis si tu voulais, tu peux avoir aussi... Tu avais l'option d'avoir les vieux graphiques. Là. Mais pour moi, ça a été le fun parce que, tu sais, je me suis dit, hey, ils ont pogné le vieux... engin de jeu, puis ils ont mis quelque chose de plus par-dessus. Ah oui. Fait que, tu sais, un peu, je pense Capcom, ils ont réussi là-dessus, tu sais, les on parle de Mega Man, c'est pas des remakes, mais 9 et 10, tu sais. Ouais. Ils ont pris le vieux code, le vieil engin, tu sais. Ils ont fait quelque chose qui était bien correct, là. Ben, ils ont fait une version NES, en fait. Ouais, exact, là. Là, on entend la musique de Strider 2. Ça me fait penser au Strider qui est sorti. Moi, je l'ai vraiment aimé pour ma part. Ouais. Non, c'est un excellent jeu. Je trouve que c'était super bon, puis c'était un jeu qui allait. Qui évoluait sur le jeu Strider, en fait. Ouais. Je trouve que c'est ça qui fait un bon remake, en fait. C'est que tu prends juste ça les bases. Ça prend beaucoup de l'original pour faire plaisir, je trouve. Là. Exact. Faut pas que t'ailles trop ailleurs, mais ouais. Ben, c'est ça, comme même la musique. Tu sais, toute la musique avait été reprise puis refaite, mais tu reconnaissais l'original quand même, tu sais. En fait, la meilleure façon, je pense, de faire un remake, ça doit être de... Tu sais, mettons, moi, je joue présentement, je sais pas, moi, mettons, je joue à Little Nemo de Dream Master. Oui. Là, je me dis, s'il fallait le refaire aujourd'hui, tu sais, je corrigerais ça. Puis les gens qui refont les jeux, ben man, ils ont la possibilité de tout corriger le jeu et de le faire parfait, tu sais. Puis c'est c'est la meilleure façon de le faire, ça, je pense. Invente pas des problèmes, tu sais. Corrige l'original, genre, puis rajoute du crémage. Ouais. Ça a pas le choix d'être parfait, là. Ça peut juste être bon, là. Non, c'est sûr. Hein? Mais en plus, quand... Veux-tu que j'en fasse un nouveau jeu, Sty? Donnez-moi de l'argent! Tu disais que t'avais du temps dans le jour, là. C'est ça, je te le demande. Après, pas mais c'est en plus ce que Double Fine, il fait, là, avec... tous les jeux que tu parles. Grim Fandango, Day of the Tentacle, tu sais. Ouais. Ils ont juste, comme, revu l'esthétique. C'est HD, en fait. Le problème dans Grim Fandango, c'est que l'inventaire, c'est un problème, puis ils l'ont pas réglé. Ouais. Par contre, dans Day of the Tentacle, tu peux jouer, tu sais, complètement le mode classique. Mais comme j'en avais parlé quand j'avais fait la critique, ils ont simplifié un peu l'interaction avec les objets autour de toi, surtout pour que ce soit plus facile de jouer avec une manette. Ouais. Puis, mais au-delà de ça, le jeu il était exactement pareil et ils ont vraiment juste retravaillé l'esthétique du jeu. T'sais. Non, c'est ça. Un de mes meilleurs exemples de remake là, pour remettre une série sur place, c'est Pac-Man Championship Edition. Ouais. Ça, là, ça a remis Pac-Man sur la map comme c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'était Pac-Man, mais ils ont évolué. Ils ont évolué la grille. Ils ont amené le multiplayer dans Pac-Man de façon vraiment cool. Puis là, c'était un Pac-Man très, très, très rapide. Dans les arcades, c'est un des meilleurs jeux aussi. Parce à la gang, tu peux jouer. À 4 joueurs, là, c'est malade. Le là, cabinet ça va est gigantesque en plus. Oui. Il y en a un au Star City à côté du stade, là, vous êtes à Montréal. C'est vraiment gros. Là. Ah, c'est gros. J'ai joué aussi. Mais je pense qu'il est en version plus petite aussi, par exemple. Oui, ça doit. Parce qu'en fin de semaine, j'ai joué aussi à la ronde. Okay. Puis il y avait juste un gros écran sur le mur. Puis il y avait 4 stations... que c'était une table faite en forme de Pac-Man. Ouais, tu avais juste un pad au milieu. Exact. Ont-tu ramené une Dome parfait, Nintendo? Là. Non. Ça serait du fun, ça, un peu. Non, ils l'ont jamais remake ramené. Remake du Dome Nintendo. C'est la première fois que j'ai joué à Smash Brothers 64. C'était Dome Nintendo. Ouais. Moi, j'avais joué... J'étais allé là, c'était juste du Super NES dans le temps. Ah, ouais. 64, t'es pas sorti encore. C'était juste les gros hits, là... Super Street Fighter, Illusion of Gaia, Donkey Kong Country 3, tu sais, Uniracers, Gargoyles, Demon's Crest. C'est juste les gros jeux qui sont sortis à la fin de la Super NES. Illusion of Gaia, tu devais-tu faire chier les kids en arrière de toi? C'est une game d'RPG, là. Ah, Chris de 11, pas long, on est dans le Dome Nintendo. Là. Ça durait combien de temps, les séances, avant que la sonnette mette tout le monde? 15-20 minutes, puis il y avait une nouvelle batch. Ah ouais, ok, je savais pas ça. Non. C'était pas long. Okay. Tu pouvais jouer à Illusion of Gaia si tu voulais, mais c'était comme... Moi, j'allais à la station Super Street Fighter pour me battre contre du monde, comme à l'arcade. Je prenais DJ, je me trouvais cool, mais je me faisais péter. DJ, il est de la merde, finalement. Ben, d'ailleurs, parlant de ça, moi, je voulais parler de Punch-Out aussi. Punch-Out qui a revu... Punch-Out, oui, je dirais, qui est genre le... Parce que c'est comme un reboot. Il m'a fait penser à plus un remake. Ouais. Mais c'était... Non, c'était un remake. Un remake de Punch-Out, de Mike Tyson's Punch-Out. Ouais. Parce que Super Punch-Out, il est ailleurs. Ouais, il est allé ailleurs. Il est autre chose. Même, c'est pas là. Les mêmes personnages. C'est pas... Non, c'est aucun des mêmes personnages, je pense. Non, c'est pas les mêmes personnages. Mais la Wii, c'est un mix des deux. Mais la Wii, c'est ça. C'est un mix des deux. Y a-tu Bear Hugger? Ouais, Bear Hugger, ouais. Oui, il est dans ah ouais, c'est ça, il a ramené les personnages en fait. Mais c'est une belle réussite ce jeu là, c'est écœurant, mais c'est parce qu'aussi le gameplay est le même que sur NES. C'est ça, c'est ça qui fait que c'est excellent. Des fois il y a des gars freaks qui se sont dit moi, je vais jouer l'expérience originale Wii que le designer a voulu faire. Fuck, je l'ai essayé. J'ai de la misère à battre le deuxième personnage. Ouais. Écoute, je l'ai fini en motion control. Hein? Ah ouais? Je m'étais obsédé à dire il faut que je le finisse de même. Ça, ouais. Mon beau-frère qui l'avait fini vraiment plus vite que moi, tu sais. Eh avec ouais? Les contrôles classiques. Moi, je dis non, je vais le finir comme du monde, tu sais. Ouais. Ouais. Finalement, j'ai jamais refait le deuxième mode avancé. Ouais, là, ouais, parce ouais. Que j'étais comme épuisé. Eh, c'est sûr, voyons donc. Ça, c'est un beau remake, ouais. Évolution. Ouais, c'est un excellent jeu, ça. Super bon. C'est vraiment jeu, bon. C'est bon pis c'est beau aussi. C'est un des plus beaux jeux ouais. Qu'il y a sur la Wii. Ouais, vraiment. Un autre que Dom, t'as sûrement dû jouer, Bionic Commando ouais, Rearmed. Ouais, je voulais qu'on en parle. En ça, fait... c'était de la bombe parce que c'était vraiment un remake de l'original. Exact. C'était tableau pour tableau, la musique, les personnages, tout. Ouais, non, c'est juste amené dans un environnement 3D, mais plus 2.5D. Exact. Je trouvais quand même un peu plus lent que le premier. Là. Ouais, moi, ça m'a ça. Comme ralenti un peu à ce niveau-là. Puis le système de radio, là, que c'est une genre ouais. De pique, qu'il faut que tu. Tu sais, comme. C'est un peu gossant. Mais quand même, c'est un très bel effort. Et puis, ça l'a totalement éclipsé le Bionic ouais, Commando le Bionic moderne, tu sais, qui ont ouais. Sorti. Puis que ça a l'air, c'était vraiment pas bon. Là. C'était pas si pire que ça, ouais, sérieusement. Toi, moi, j'ai trouvé que c'était pas si pire que c'est ça. C'est comme le seul gars que je connais qui dit que ouais, c'était hein, juste. Ben, c'est si probablement aussi, dans un sens, je vais dire quelque chose de large, mais pareil, c'est probablement parce que je suis le seul gars qui a joué. Alors, j'ai joué, moi aussi. Je parle de ce jeu-là à non, beaucoup de non. Monde, puis je connais personne qui a joué encore. Non, mais moi, je me rappelle, j'étais chez A2M dans le temps, puis man, ouais. Tout le monde l'a acheté quand il est sorti, puis c'était okay. Comme oh, ça va être capotant, man, c'est débile. Là, tu sais, le lendemain, le monde, ils reviennent, ouais, on va lui donner un petit peu plus de temps. Après ça, après une semaine, c'est comme, il est où? Il est en poubelle, man. T'sais, c'était comme vraiment, moi, j'ai dit, je vais attendre un peu, tu sais. Ouais. Là, finalement, non, moi, j'ai juste pas acheté, tu sais. Je l'ai fait jusqu'à la fin parce que le système de hook. Le système de crochet était sacoche. Il ouais. Était parfait, ce système-là. Puis, c'était quand même un jeu qui était le fun. Le plus gros problème de Bionic Commando, c'est l'histoire qui est épouvantable. Okay. Entre autres, parce que ton bras, en fait, qu'on t'attache après ton corps, c'est ta femme qui est décédée. C'est l'esprit de ta femme qui est décédée. C'est ton bras, maintenant. Wow. Tu peux pas te défendre, ce jeu-là. Après pareil comme le Vampire Killer. Ben ouais, mais tu sais, malgré ça, le jeu, il y a quand même un gameplay intéressant. Il y a des fucks dedans, c'est sûr. Mais si tu regardes les critiques puis tu recules, là, c'est tout le temps à cause de ça qu'on chie dessus. Ben, on chie dessus, entre autres, parce que c'est comme un reboot, remake de l'original. Puis ouais. Ça respecte pas l'original. Mm-hmm. Puis sinon, c'est le fait que l'histoire est vraiment mauvaise. Mais dans un sens, je veux dire, Christy, Mario Bros, l'histoire est épouvantable. Ça n'empêche pas que ça fait des méchants bons jeux. Fait que. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme un c'est pas nécessairement à cause que les gens ont joué qui ont chié sur le jeu. Les critiques ont été mauvaises puis tout le monde a décidé de dire que c'était de la merde. Moi je pense que c'était pas un super bon jeu, mais t'sais, j'aurais donné un 7, genre, c'était correct. Là. Okay, correct. Moi je l'ai fait jusqu'à la fin. Je me suis fait décourager, j'ai jamais joué finalement. Fait que... Mais j'ai pas l'habitude de me faire violence. Ouais. Puis j'ai quand même fait le jeu jusqu'à la fin. Enfin, je voulais savoir justement si son bras, à la fin, il allait se transformer en épouse. En fille, t'essayes d'attraper quelque chose, puis là, finalement, tu pitches ta femme dans les airs. C'est ça, puis elle qui attrape le truc. Ouais. C'est comme des veines, des ligaments. Ben, c'est des hot dogs. Si tu regardes de proche, c'est un bras de hot dog. Mon rêve. Avoir des hot dogs, puis ma femme collée sous moi tout le temps. Imagine. Christy, un snack pis de l'amour. Ah ouais. C'est merveilleux. J'irais jamais nulle part. Je ferais juste sortir ma femme et mon bras d'hot dog. Je me roulerais là-dedans à longueur de journée. Tu pourrais pas manger ton bras d'hot dog. Mais je non, trouverais c'est une vrai. Façon. Ça ouais. Pousserait. C'est comme si tu. En tout cas, on arrêterait peut-être. Non, mais de juste parler les de regarder, ça me rendrait heureux. Ah, okay, c'est bon. Des totons, des hot dogs. Tu sais, comme. Chenoux. Quoi? Tout nu. Des totons avec de hot dog. Une couverte en polar. Un snuggie. Oh, man. Une snuggie. Un beau toute snuggie. La gang, tout ça dans le snuggie. Ah non, mais t'sais, tu vas chez Dom, il est couché sur son divan, tu sais, puis il est comme Jabba the Hutt. Il y a un snuggie, tu sais, là, il monte en dessous du snuggie. T'sais. C'est ça, c'est ma femme. Sa femme, il y a des hot dogs, tu sais. Ouais. Oh. Il y a une Neo Geo là-dedans, tu sais. Comme... Plein d'affaires, des stickers de Castlevania partout. Ah ouais, clairement, fait que. Mais je vais donner des idées pour ma retraite. Ouais. A Boy in His Blood. Ouais, je l'ai toujours pas essayé, la nouvelle version. Je l'ai sur Wii chez nous. Mais non, mais joue sur Vita. Ben, tant qu'à l'avoir, j'ai pas envie de payer. Ouais, tant qu'à l'avoir, c'est sûr. Il est déjà payé. Il est déjà payé, ça, carrément. Ouais. Mais c'est un très, très, très, très, très, très, très bon jeu. Ouais. Meilleur que l'original. Ouais, l'original, c'est un petit peu... c'est tough, là. Ouais. Tu sais, savoir quoi faire. On avait fait une critique rétro nouveau dans le temps. Je sais plus quel épisode, ça fait super longtemps. Ça doit être le 3. Les archives. Ouais. C'est vraiment d'un début, ça. On était sur la table de la cuisine. C'était excellent. Mais ouais, le premier au NES, c'est, tu cherches là, vraiment quoi faire. Là. Je l'avais acheté en Virtual Console. Il n'est pas très beau en plus. Fait que, non, ça aide mais tu sais, c'est quand même un jeu qui rentre dans la catégorie des jeux un peu mythiques. Ouais. Tu sais, comme Pitfall ou des affaires comme ça. Exact. C'est des jeux qui ont amené d'autres choses. Là, ouais. Mais là, c'est ça. C'est un jeu de Way Forward qui est quand même vraiment. Là, visuellement, ça n'a aucun sens comment c'est beau. Les puzzles sont super bons. Le bouton câlin. J'aime ça, le bouton câlin. Non, c'est ça. C'est vraiment un bon jeu, mais je le conseille à tout le monde. Sur PS Vita, c'est un vrai charme, sérieusement. Ça vaut vraiment la peine d'y jouer sur cette console-là. Mm-hmm. Puis même sur une console HD. Mais de toute façon, ça fait même pas de différence, le graphisme. Mais même... Sinon, je voulais parler de DuckTales. Ouais, écoute ça. Je l'ai pas essayé. Je l'ai acheté. Ok. J'ai jamais joué. Là, t'as pas. Je te dis, il est chez nous, là. Il est comme. Toi, t'achètes vraiment beaucoup de jeux sans y jouer, je hein. Sais, man. Mais pourquoi? Moi, il me semble que j'achète un jeu, c'est là que ça se passe, là. Je veux jouer. Pas moi. Genre, je l'installe pendant la nuit, puis le lendemain, je me couche pas pour jouer. Non, moi, genre, j'achète, puis là. À un moment donné, t'arrives à un point où ton backlog est tellement gros, tu dis, ah. Ça fait plus d'importance, un de plus dans le. Tu en pas, je pense que si tu verrais ma liste sur Steam, là. Non, mais c'est un problème, ça, Steam aussi. C'est clair, là. Steam, c'est la surconsommation. Steam, là, sérieusement, là, puis j'ai réalisé, tu sais, comme il y a la vente de Steam en cours. Là, ouais. J'avais 7 jeux dans mon panier. Là, j'ai dit, je m'en ai fait check-out. J'ai dit, attends une minute, là. Je vais-tu jouer à ces jeux-là? Ouais, c'est ça. J'ai passé un par un, tu sais. J'ai fini avec 0 dans mon panier. Je te dis, man. Le seul qui est dans mon Doom. Doom, que genre, faut que j'essaie le démo pour savoir si je veux l'acheter, tu sais. Ouais. Le seul qui m'intéressait vraiment, c'est. Stardew Valley, qui a l'air une sorte de Harvest Moon moderne, plus élaboré. Ouais, qui a l'air très intéressant. Puis, tu sais, je pensais l'acheter, puis je me suis posé la même question, je vais-tu y jouer bientôt? Ouais. Puis j'étais comme, tu sais, j'ai beaucoup de jeux sur mon PC, mais j'ai pas tout le temps le réflexe de me mettre devant mon PC. Ouvrir ma PS4 ou. Ouais, mais Mario, tu peux pas être veg tant que ça sur un PC. C'est plus facile de veger d'un divan qu'une console. Mais Doctor, il est-tu bon finalement? Il est très bon. Ouais. Il est super bon. C'est vraiment. Ils ont changé le visuel, that's it. Mais ils ont pas été si appréciés, je veux dire, non? Non, parce que les gens sont assez puristes quand même. Puis, surtout pour des classiques. Ouais, exact. Ouais. L'affaire, moi, que j'avais chialé sur le jeu, j'avais critiqué à Monsieur Net. J'ai plus la critique, je me souviens plus où. Parce que Musique Plus a enlevé toutes les critiques de Monsieur Net. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ben, ils ont mis des oubliettes. Ça ressemble à quoi, les oubliettes, des affaires de télévision? C'est lointain, mon gars. Il y a une voûte un à Musique drive, Plus. Mais... Ah ouais. Tout le monde est dedans, Claude Rajotte. Ils attendent de sortir. Tape avec leur bol sur la porte une fois de temps en temps. T'as Francis B qui est là. Paul Sarrazin. Paul Sarrazin est encore là. Mais Paul était la voix l'émission de Le Combat des clips. Il fait de la voix, lui. Paul gagne bien sa vie. Puis même Paul Beauregard, qui est à Chaume. Il est à radio. Ça, il est à Chaume. Ouais, il est à Chaume. Pas en anglais. Comment il s'appelle, le frisé aussi, là? Lequel? Il y en a plein, les frisés. Non, mais le frisé de Musique Plus, là, il avait les cheveux châtains, là. Il est à Chaume aussi. Québécois, d'origine. Jean? Pierre? Non. En tout cas, oui, Pierre, mais je me souviens pas de son nom de famille. Mais Pierre, fait que tout le monde s'est ramassé à Chaume. Là. Exact, tout le monde est à Chaume. Sauf. En tout cas, dans les oubliettes, il s'en passe des affaires. Ouais. Tout ça pour dire que DuckTales, ce que j'avais dit, c'était que les un peu comme Mighty No. 9, en fait, c'est qu'il y a trop d'animation. Ouais. Puis que des fois, ça peut porter à confusion. Ça me fait penser à Mickey Castle of Illusion, que tu avais beaucoup aimé, le remake du jeu de Genesis. Puis moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'animation dans le sprite, puis j'avais la misère à sauter sur les plateformes. Ça me dérangeait beaucoup. Mais ça a bien été. Ouais. C'était moins épique que DuckTales. Ouais, je pense que c'est moins. Toi. Parce qu'en fait, dans Mickey, t'étais en 3D. Ton personnage était en 3D, fait qu'on dirait que ça se faisait mieux. Là, vu que ton personnage est en 2D, t'as comme une grosse affaire. C'est trop large. Ouais. Des fois, tu veux sauter sur quelque chose, puis en tout cas, t'es trop large ou trop mince. Ou en tout cas, ça marche pas super bien. Mais c'est un très bon jeu, puis il tombe en vente vraiment souvent. Là. Et tu peux l'avoir à 5$, 2$. Il était gratuit pour le PSN à un moment donné. Oui, exact. Moi, un des jeux remake que j'ai vraiment aimé dans le temps, tu sais, de Super Mario All-Star. Oui. Tu sais, Super NES. Là, oui, vraiment. C'était les classiques refaites, puis c'était tight, c'était beau, tu sais. J'ai eu beaucoup de plaisir à les refaire, juste aussi, en voyant le nouveau visuel, la musique enrichie. Tout était enrichi, tu sais. C'était bien fait, c'était approprié, tu sais. Très, très hot, ça. Puis ils l'ont sorti sur la Wii. Malheureusement, ils ont comme rien. Sur la Wii? Ouais, le 25e anniversaire. L'édition 25e anniversaire avec une grosse boîte. Là. Ouais. C'était t'invler un CD puis un livret. Ferme ta gueule puis achète. Mais sérieux? Mais c'était pas grand chose. C'est ça. Ouais, mais c'était correct. Moi, j'ai aimé ça. Pareil, tu sais, il aurait pu tout le refaire, mais le jeu était déjà vraiment le fun. Puis, le monde veut des graphismes rétro, là, tu sais. C'est juste ça qui se vend dans les deux ces temps-ci. Mais il aurait pu rajouter Super Mario World. Ouais, parce que la collection de Kirby. Bon point. Ouais. C'est que la collection de Kirby qui était sortie était tellement supérieure. Ouais. Fait que moi, c'est un peu ça qui m'a déçu, parce que dans la collection de Kirby, t'avais la trame sonore, t'avais tout ce qui a amené à l'idéation pour avoir Kirby. T'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Ouais. Là, lui, je veux dire, c'était le jeu, en fait, avec un petit livret. C'était le même jeu, là, on faut le dire. Mais savez que ça existe au Super NES, Super Mario All-Stars et Super Mario World sur le même carte? Non, ouais, c'est vrai. Ouais, non, ça existe, ça. C'est très, très cool. J'ai ça, moi, chez nous. Fait que j'ai éliminé les deux autres cassettes. Je pense que c'est-tu dans cette version-là que... 50$ à peu près, là. Okay. Ah, ouais. C'est dans cette version-là que le sprite de Luigi est différent. Il est plus main. J'y ai jamais joué. Mais il y a une version du jeu, me semble, que le sprite de Luigi est différent. Il est plus aminci pour représenter plus la représentation moderne de Luigi. OK. Parce que, tu sais, dans Mario World, il est encore pareil. C'est juste une couleur qui change. Là. Puis il y a une version de Super Mario World. Je pense que c'est celle sur cette cassette-là. Ou est-ce qu'ils ont aminci Luigi pour qu'il ressemble plus à l'interprétation moderne. C'est cool, ça. J'ai ça chez nous. Je vais checker ça demain. Ben ouais, check d'ailleurs, ça. Il était mince. Rien à faire. Il était mince dans Mario 2, puis dans Mario 3, il était dernier gros. Un swap de sprite dans le fond. Exact. Hey, on n'a pas le temps. Ils ont quand même downgradé du 2 au 3 dans un sens par rapport au personnage. Parce que le 2, c'était juste un skin sur un autre personnage. Ouais. Puis c'était comme pas nécessairement le plan à l'époque que Luigi soit plus mince. C'est vrai. Puis je pense que c'est venu... Penses-tu que ça a commencé là, la légende de Luigi qui a cette shape-là? Ça se pourra! D'ailleurs, ça me fait penser, c'est quand la première apparition de Luigi... Mince, la version 3D, je pense. Mince, ça serait la version 3D. Ah, par après. Ouais. Celui qui pédale dans les airs, là. Moi, c'est Mario 2, là. Ouais, mais à part ça... Quand tu finis Mario 64, tu peux jouer avec Luigi, je pense. Non, ça, c'est une légende urbaine. Non, c'était pas vrai? C'est pas vrai. OK. La version DS, je pense que tu peux jouer avec Luigi. C'est dans Galaxy. Ouais, c'est dans Galaxy. Ouais, je me suis complètement pourvoi. Ah ouais? Ouais, dans Galaxy, c'est vrai? Fini, tu peux jouer avec Luigi. Ah, ça, c'est pas. Donc, c'est vrai. Probablement que ce serait Mario Kart 64. Ah, ben Mario Kart au Super NES. Ah, c'est vrai, il était mince. Ouais, il était mince. Ah, c'est vrai. Ouais. Fait que quand ça leur tentait, ils faisaient mince. Quand ça leur tentait pas. Ce serait une discussion. Mais quelle était la sorte de chaussure de Waluigi? Des sabots. Ouais, des sabots pointus. Moi, Nick, je sais pas si t'avais de quoi ajouter, mais je voulais parler de Reboot aussi. Ouais. Ben, en fait, moi, je voulais juste parler d'un truc qui était un hybride entre un port puis un remake, là. La version Final Fantasy VII au PC, tu sais, que j'ai acheté quand elle est sortie en me disant, man, ça va être malade, des graphiques de fou, puis tout. Puis qu'il y avait juste des textures meilleur. C'était horrible, j'ai gaspillé mon argent, tu sais, j'ai commencé à jouer à ça, c'était comme genre même expérience originale, un petit peu moins de loading là, parce que c'est sur ton disque dur que par rapport à des CD, mais déception totale. Fait que je sais pas comment te qualifier. Je pense que c'est un port avec un up-res des textures. Ouais. Mais tu sais, déception totale. T'sais. Fait que des fois, c'est dur de mettre cette affaire-là dans une boîte, là, mais c'est un hybride entre un remake puis un port puis un up-port, là, mais. Parce que Final Fantasy, si je me trompe pas, ils ont ramené, je pense, sur DS. Puis il y avait c'est sur DS ou 3DS, puis il y avait nouveaux cutscenes. Ouais, tout à fait. En fait, mais Chrono Trigger a été refait sur DS. Ouais. Un excellent, excellent. C'est comme la version PlayStation 1, dans le fond, un peu, avec les cutscenes. Même chose avec Final Fantasy 2, qui est en réalité le 4. Ouais. Ça existe. Ben, ils ont fait The After Years. Ouais. Ça, c'est hot parce que c'est Chris. On dirait que tu continues le même jeu. Il est identique. Malade. C'est ça. Super. Ça, c'est disponible en WiiWare puis il est sur PSP. Ouais. Et puis, moi, j'ai un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé au Game Boy Advance. C'est Final Fantasy Dark Souls. Non. Rien, Final Fantasy 1 et 2, dans le chat. Dawn of Souls. Ah, oui. Dans le fond, ça reprend le premier Final Fantasy, celui du NES, là, dans le fond. Mais tellement bon, là. Tout corriger les mardes, là, tu sais, qui marchaient pas. Genre, quand t'as sélectionné un gars sur qui tu vas frapper, mais qu'un de tes coéquipiers le tue, tu frappes pareil sur lui, mais dans le vide. Tu sais, c'est une niaiserie, là. On a tout enlevé ça. Puis la trame sonore est refaite, tout. Puis on a rajouté une espèce de gros donjon que tu peux grinder dedans. Man, ça m'a. J'ai fait Final Fantasy, puis ça, ça m'a remis dedans. Là. J'ai adoré ça. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un excellent jeu. Puis il y a Final Fantasy 2, mais le vrai 2, là, pas le 4, qui est le 2 US, dans le fond, le 2-2. Ouais. Mais je l'ai commencé, je sais pas, ça, j'aimais pas ça. Le 2 japonais, tu parles. Ouais. Ouais, ça, j'ai jamais mais essayé. Mais il est là-dessus, en fait, là. Il est traduit, tout, là, tu peux jouer, mais non, ça me disait rien. Il n'y avait pas de Cécile, man. Moi, ça me prend mon Cécile. Ça te prend ton Cécile. Kane, man. Kane, il est là. Ouais. Cécile. J'aime Cécile. Ah oui. Dans les dernières années, Nintendo, il a quand même sorti beaucoup de remake et remaster de plusieurs Zelda. Oui. Ouais. Puis, moi, je pense que le remake Waker, que j'aimerais voir, c'est Zelda 2. Ouais, on est dû pour ça. Tu sais, quand tu lis des entrevues de Miyamoto à propos de Zelda 2, tu sens qu'il est comme déçu de ce jeu-là. Ouais, t'sais. Il a honte un peu. Pis, il est triste. Tu sais, quand. Moi, je trouve ça. Tu sais, moi, c'était le Zelda de mon enfance, puis je trouve que c'est un excellent jeu, mais il est brisé au niveau de la balance de la difficulté. Ouais. Puis je trouve que. Mais outre ça, tu sais, c'est un jeu qui se joue super bien. Il est un petit peu laid. Comparé au premier, que surtout quand tu es dans le overworld, c'est vraiment, on dirait comme qu'ils ont fait ça dans Paint. Ok, maintenant on met des montagnes. C'est vrai ça. Puis j'aimerais ça voir, ce jeu-là refait avec des beaux graphiques, avec la balance de la difficulté corrigée un petit peu, parce que un des gros problèmes du jeu, c'est qu'il faut que tu fasses Death Mountain quand même tôt dans le jeu. Puis là, c'est comme un des bouts les plus tough du jeu. Puis c'est drôle. Là. Avant de connaître Internet, j'aurais jamais pensé qu'il y avait du monde sur la Terre qui pouvait trouver que c'était un mauvais jeu. Parce que moi, je jouais à ça quand j'étais jeune. J'avais du plaisir. Puis non, j'étais pas capable de le finir. Comme genre, tous les fucking jeux NES que tout le monde avait. T'sais, j'allais chez mes amis, on jouait contre eux. Pas capable de finir ça. Je jouais à Batman, pas capable de finir ça. T'sais, on finissait rien. Tout était trop dur. Grave. Mais moi, je jouais à ça. Je suis comme Chris. C'est beau, c'est le fun. Mais tu sais, moi, là, c'était. Puis j'ai rejoué, puis je l'ai fini, là. Genre, il y a une couple d'années. Lui, là, ça bien correct. Moi, j'ai une game ouverte, là. Je l'ai jamais fini. J'ai une game ouverte, là, sur un de mes 3DS, là. Puis. Ce jeu-là, j'ai tout le temps trouvé qu'il était weird. Tu sais, dans un sens où il n'y a pas rapport. Il est comme Mario 2, tu sais. Ouais. Tu sais, Super Mario Bros. 2, Link, même affaire. Il est sorti dans les mêmes temps. On dirait que c'est un jeu qui a été rushé, tu sais. Tu sais, tu joues à Zelda original, Link to the Past, tu dis, OK, ouais, je comprends, tu sais. Mais il y a un lien. C'est pas un mauvais jeu. Ben, c'est l'ancêtre du Zelda 3D. Hein? Ben, c'est pas un mauvais jeu, mais il est comme. Il était autre chose, il était ailleurs. Il est sûrement sorti pas pour des bonnes raisons. Peut-être trop vite. Il aurait pu. Ou peut-être que c'était Miyamoto, pas Zelda, c'est ça. Au Miyamoto, il revient et il dit. Tu sais, à un moment donné, il disait c'est lequel le Zelda tu penses qui est moins bien réussi? Puis c'est clair que dans sa tête, c'est lui. C'est le 2. C'est Link, The Adventure of Link. Là. Puis je suis d'accord avec toi, c'est pas un mauvais jeu, puis dans l'absolu, c'est un jeu très très correct. Mais dans la franchise Zelda en général, c'est le petit faiblon là, tu sais, pour moi là. Fait que, ah ouais? Ouais, ouais. T'sais, c'est un bon jeu quand même, mais il y a comme, il y a pas rapport, il fit pas là. Ouais. Le platforming 2D, moi je trouve, il est 2D, il est comme aventure 2D en attendant qu'il y ait du 3D qui existe, puis il n'en existait pas dans le temps du NES, fait que c'est ça. Zelda, il y a deux univers, top-down puis 3D, mais tu sais ça, on va dire que ce 2D-là, moi je trouve que c'est l'ancêtre du 3D. Mais si tu veux comme couper cette partie gangrénée-là, puis complètement oublier tous les jeux 3D, moi je suis bien d'accord. Parce que je les aime pas. Ben, tu sais, en fait, moi. Ils sont chanceux, Zelda, pareil, d'avoir deux sortes de jeux. Parce qu'ils font deux fois plus d'argent. Exact. C'est, ils savent. Ils annoncent un jeu top-down, man. Yeah! Tout le monde capote. Ils annoncent un nouveau Zelda 3D, man. Oh, mais regarde, là, toutes nos nouvelles affaires. On a un gros crise d'aimant. Oh! C'est comme, tout le monde tire leur argent. Mais je suis d'accord. Puis les remakes, en fait, c'est intéressant parce que je les ai essayés. Ils sont vraiment réussis. Mais on dirait que. Ça faisait pas assez longtemps, tu sais. Tu m'aurais donné 2 ans de plus, là, genre j'aurais joué comme un fou, tu sais. Mais là, je les ai pas finis, je les ai essayés, j'ai trouvé ça le fun. C'est Wind Waker, je sais pas. Moi, je trouve que Wind Waker, là, il est comme il est supposé être. Je le trouve fantastique. C'est tellement beau, puis tu sens que la GameCube, le jeu était limité par la GameCube, je trouve. Parce que c'est un jeu qui est beaucoup dans les détails. Tu sais, de voir le petit truc de poussière sur le plancher faire une petite affaire de même. Que tu le voyais à peine sur la GameCube. Puis là, tu le vois super bien sur la Wii U. Je trouve même que côté c'est gameplay, ils ont arrangé des affaires. Ils l'ont vraiment tweaké. Puis pour moi, c'est ça que ça devrait être, un remake. Faut que tu adresses les problèmes qu'il y avait dans le jeu original. Puis que tu règles ces petites choses-là. C'est souvent ça le problème, en fait, des remakes, c'est qu'ils font les mêmes erreurs que dans le passé. Ça, c'est assez poche, là. Ouais, quand à tu moins fais de un, refaire vraiment. Quand tu fais un remake, genre un pour un, plus, mais avec des meilleurs graphiques, là, c'est pas idéal. Là, non, c'est ça. Mais en tout cas, mis à part ça, je voulais parler d'un jeu qui est vraiment sorti de l'ombre. Vas-y. Le Prince of Persia, Sands of Time. Ah, c'est-tu que j'aimais ça? C'était malade, puis tu sais, eux autres sont sortis de l'original, qui était quand même une bête à part, tu sais, de la 2D, mais crissement bien animée. Ouais. Puis là, ils ont fait un jeu en 3D qui est tellement incroyable. Moi, j'ai adoré là. Ce jeu-là. Ah, oui. J'ai fait les deux premiers, puis c'est-tu que j'aimais ça? C'est vraiment bon. C'était vraiment écœurant, d'ailleurs. Fait, c'était bien pensé, tu sais, puis ça reprenait l'original aussi, à une autre façon, mais c'était... tu le sentais pareil, tu sais. Ouais. C'était bien fait comme ça. Sentais l'original, les univers, tout ça, la façon de se déplacer. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Ils ont fait un remake de l'original aussi. Ouais, un remake de l'original. Les corniches, ils sont aussi chiantes. Ouais. Je trouve ça un peu trop difficile, ce jeu-là. J'ai sur mobile, là. En fait. Je l'avais en downloadé sur Xbox sur Live. Sur mobile. Xbox Live. Ouais. C'était le même jeu, moi, mais juste pris sur mobile. Puis... OK. C'était top. Voilà, c'est ça. C'est du contrôle trop tête. Trop précis, en fait. Ça n'avait pas de sens. Ben, même l'original, c'était précis en maudit. Là. Mmh. Aussi, il y a une autre licence qui a été ramenée sur la map, Rayman. Parce que Rayman, c'était un jeu. Sorti au Jaguar 3D. En premier, mesdames et messieurs. Ouais. Il est sorti une semaine après au PS1. Ouais, mais pour vrai de vrai, le premier Rayman, il est sorti en premier sur Jaguar. Dans le temps, tu sais. Mais PlayStation tout de suite après, là, pas longtemps après. Donc, j'aimerais ça avoir ça au Jaguar, tu sais, pour la légende. Pas, parce que il me semble que la soirée au Fouf, il était là. C'est quelqu'un qui l'avait emmené, c'est Ellie qui l'avait emmené. Okay. Y a-tu eu quelque chose de Rayman, à part les premiers Rayman? Il y en a encore. Non, mais là, je veux dire, dernièrement, là. Mais là, les nouveaux Wii U, je les ai vus, là, tout ça, mais entre les deux, tu sais. Ben, entre les deux, il n'y a rien eu, en fait. Genre Rayman au PS2? Oh, non, ben c'est ça. Rayman a eu des... Genre, il y a eu, je pense, Rayman 1, 2, 3. Puis après ça, tu sais, c'était les Rayman en 3D. Puis après ça a été vide. Ils ont ramené avec les Raving Rabbids. Ouais. Puis ça les a comme donné... ça a donné une nouvelle vie à Rayman. Puis après ça, Ubi, Art ou je sais pas trop, eux autres, ils ont développé en Rayman 2D, là, en 2D qu'on connaît vraiment maintenant. Beau. Mais ça, c'est Christy, c'est une usine à cash, là, puis c'est vraiment, vraiment réussi, là. C'est c'est bien remettre une franchise sur pied. Puis sinon, mis à part ça, Tomb Raider, qui est revenu en vie, qui était pratiquement mort et enterré. Fait qu'il y a ça qui est revenu à la vie, qui est vraiment très réussi. Puis sinon, moi, je voulais mentionner un jeu parce que c'est un mal-aimé que j'aime beaucoup. DMC, Devil May Cry. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'aime. Il y a pas mal de monde qui l'aime, finalement, plus que je pensais. Mais tu sais, c'est comme un reboot, en fait. C'est même plus un remake à ce stade. Tu parles avec le jeune Dante. Mais... Le jeune Dante, qui est complètement un autre Dante. Et de l'excellente musique de Comedy Christ. Fait que ça, j'aurais bien aimé ça. Mais c'est ça. Moi, reste que mon meilleur remake de tous les temps, c'est Pac-Man Championship Edition. Ah ouais? De tous ça, les temps? Hey, c'est meilleur que Tomb Raider, là. C'est gros. Non, mais Pac-Man Championship Edition, c'est jamais arrivé une fois que j'avais pas le goût de jouer à ça. C'est tout le temps le fun. Si tu l'as ici, à Arcade Montréal, là, il y a du monde qui vont coucher ici. C'est sérieusement... Prochaine version, là, c'est... quand le bar va être plus grand, on se met une grosse station, man. Là, puis... Le monde va chier dans le jeans. On met des bacs à terre pour toute la merde. La défection. Location de couche. Il y avait aussi, à nouveau, il y avait un Space Invaders qui était sorti. Qui était comme C'était rapide, dégueulasse, c'était... ça. Non, Space Invaders. Space Invaders 85, Infinity 85, Jeans. Infinity Jeans, c'est Infinity ça. Jeans, c'était bon. Ça, c'était intéressant, ça. C'était vraiment bon. Ouais. Non, moi, je pensais que tu parlais du... un moment donné, il y a eu un Space Invaders, je pense que c'était sur PS2. Puis il avait comme essayé de faire ça dark. Puis t'avais les bébites qui arrivaient comme ça. Puis toi, t'étais en bas avec ton gun. Puis tu te promenais de gauche à droite de même dans des rangées. Je pense que c'est sur DS. C'est de la vraie marde. Que c'était comme, je pense que c'est sur DS. Space Invaders. Oui, un autre Space Invaders sur la DS. Super rapide. Puis t'avais t'étais comme bombardé de couleurs. Oui. De bonus stage. Il y en a eu plein de genres de weird Space Invaders. Ouais. Dans même au PlayStation, Frogger, tu sais. Puis. C'est pas un Frogger original, c'est comme un genre de. Ben, comme le. C'était quoi? Mais Infinity Jeans, ça, c'était Infinity intéressant. Infinity Jeans, la direction graphique de ça, tu sais, c'était juste en wireframe, tu sais, puis c'était beau. Ah, c'était vraiment hot. Parce qu'il y avait Galaxian aussi, je me trompe pas. Ils ont fait Galaga. Galaga, c'est ça. Puis ils ont comme. On dirait que c'était ensemble, là. Ils ont fait Galaga, puis ils ont fait Pac-Man. Extrême, là. Puis je l'ai pas accroché tant que ça. J'ai eu de la misère, moi. J'ai pas trippé. Parce qu'il y a eu ça, puis il y a eu. Ils en fait plein de remakes dans ce temps-là. Genre, j'ai juste ces deux, téléchargé Commando, ces deux-là, moi. Commando? Ouais. Ah ouais? Commando, il avait refait un... Ça, ça. Mais c'était... voyons comment qu'il l'avait appelé, tabarnouche. On a joué Front ensemble. Line. Il y avait trois dudes que tu pouvais sélectionner. C'était tout en genre de 2D. Ah, oui. Chris, c'est beige. Ah ouais, on a joué dans un WEG, genre le premier à Tremblant, je pense. Ouais, exact. Mais c'était inspiré de Commando, en fait. Ouais, il y a pas des jeux qui sont inspirés de Commando. Ouais, c'est ça, c'était le même gameplay. Il y a eu un 1942 aussi. Ouais, Minecraft, c'était le fun, ça, c'était le 1942, là. Il était très bon. Au PS3, moi, que j'ai ça. C'était joli, c'était bien fait. J'ai pas joué. Ouais, c'était vraiment bon. C'est pas aussi frénétique que 1945 au Saturn ou whatever, là, mais tu sais, c'est un beau... c'est un petit gâteau, là. Ouais, c'est ça. Un beau petit gâteau de chopper, là. Bien le fun, là. Non, puis il y a eu les Rebirth aussi sur WiiWare. 1945, c'est comme de la coke, tu sais. L'autre, c'est plus un gros gâteau. Comparaison douteuse. Non, mais c'est comme, ah, t'es dans le feu de l'action. Ben, c'est comme, ah, c'est beau, ça. Ça m'a l'air. Je parle avec des chiffres, puis pas des chiffres, mais... continue. Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Ben, disons, en fait, il y a eu des Rebirth aussi qu'on a joué, toi. Ah, sur Wii, ouais. Sur Wii, les WiiWare. Ils sont bons. Castlevania, Contra, puis Gradius. Ouais. J'ai aimé les trois. Gradius, je l'ai trouvé très bon. Ouais, Castlevania, j'ai trouvé moyen. Je l'ai fait pareil. Puis Contra, je l'ai trouvé le fun. C'était bon. À deux, là, c'est une belle boule d'action. Ouais. Blaster Master Overdrive. Ouais. Sur Wii, tant qu'à parler de WiiWare, moi, j'ai adoré. Toi, t'as pas aimé partout. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Fait que, mais moi, c'est rare. Parce que j'avais été puriste sur ce Blaster Master. Ben oui, c'est ça. Tu as donné aucune c'est chance. Rare, hein, Chris, tu l'as coté dans le mur de même. Tu as dit, Chris, hey, ça marche pas. Tu touches pas à mon enfance. C'est rare, ça. Il y a plein des affaires originales qui sont sorties sur... sur WiiWare, ouais. Ils sont comme plus ou moins disponibles maintenant. Je pense qu'on a toujours accès à WiiWare, mais il me semble que ce serait le fun, une collection de ces jeux-là sur Wii U. Ouais. Ouais, ben je sais pas. Il est-tu fermé le Wii Store? Je pense que non. Il est fermé le Wii Store. Ouais. Avec tu peux ta plus Wii? Y aller. Non, tu peux. Sur ta Wii U, tu peux aller dans le menu Wii. Ouais, mais tu peux pas acheter des items par ouais, exemple. Ben je pense que tu peux. Hein? Tu peux juste télécharger. Ils ont fermé les services en ligne de jeux que tu fais jouer en ligne. OK. Mais tu as toujours, je pense, accès au store. Ah ouais. Me semble. Mais avec ma Wii, est-ce que je peux? Avec ta Wii, tu devrais. Avec ma Wii, je peux aller dans le magasin. Oh. Ouais, c'est ouais. Mais j'aimerais parler de deux jeux. Un que j'aimerais voir en remake. OK. Puis l'autre qui est un des meilleurs remakes que j'ai joué. Le premier que j'aimerais voir en remake, c'est The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ah ouais. Qui est le premier jeu de la série que j'ai joué. Que j'ai joué je sais pas combien d'heures. Puis tantôt, tu parlais de évoluer dans un jeu puis pas sentir qu'il t'est rendu plus fort, mais dans le fun dans Morrowind, c'est que les ennemis ils scalaient pas, genre. Okay. Puis tu pouvais comme upgrader de quasiment infini. Okay. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que il touche avec un doigt, il explose. Non, c'est ça. Puis tu sais, si tu cours beaucoup, ben tu vas augmenter ta dextérité. Si tu sautes beaucoup, tu vas augmenter l'agilité. Des affaires de même. Puis j'ai tellement joué à ce jeu-là que à un moment donné, j'étais rendu tellement fort que genre, il y a des questlines que genre le jeu me faisait skipper parce que j'étais trop fort. Puis là, j'étais comme rendu le boss de la guilde. Puis là, mais j'étais comme, ouais, mais j'ai pas encore boss fait toutes les quests de cette guilde-là. Là, j'ai plus accès aux quests parce que j'étais comme rendu le boss de la guilde. T'es trop puis, expérimenté pour nous autres. Puis, mais ce jeu-là, il est immense. Ouais. Puis, il est super beau. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas de remake, en fait. Il est super... Mais en fait, il y a des fans qui sont en train de le refaire comme un mode où est-ce qu'ils font tous les graphiques. Mais j'aimerais ça voir, tu sais, un Bethesda vraiment le refaire. Puis, tu sais, avec toute la popularité... Tu sais, parce qu'à l'époque, Elder Scrolls, c'était comme... C'était une niche. Tandis que là, avec Skyrim, ça a vraiment atteint comme... Mm-hmm, tu sais, il y a des memes, Arrow to the Knee, puis Fussroda, puis tout ça. Puis je trouve que de ramener ça à ce public-là, le public que leur premier jeu, c'était Skyrim, tu sors Morrowind, qui t'amène dans un... Morrowind, c'est comme... C'est une île comme séparée du monde principal, puis les arbres sont comme weird, puis... des espèces de bibittes weird partout, puis c'est vraiment comme t'as l'impression d'être ailleurs, tu sais. Ouais. Puis ramener ce monde-là, mais juste refaire les graphiques, peut-être moderniser un petit peu le gameplay, parce qu'un truc qui était chiant dans ce jeu-là, c'est que à chaque fois que tu fais 10 pas, il y a un oiseau qui arrive au-dessus de toi, puis que tu te bats tout le temps contre des oiseaux dans ce jeu-là. C'est donc atroce, ça. C'est comme être au McDo dans le parking. Puis, un des meilleurs remakes que j'ai joué, c'est Metroid Zero Mission. Oui, ça, c'est vrai. Tu sais, le premier Metroid, je me rappelle d'avoir joué un petit peu quand j'étais petit, puis de rien comprendre de ce qui se passait dans ce jeu-là. Puis même quand je le rejoue maintenant, tu sais, t'as pas de map. C'est... Ça te prend une map imprimée à côté pour t'sais, checker. Ouais, ou bien que t'en fais une à la main. Là. Ouais. Puis, tandis que Zero Mission, ils ont vraiment adapté le jeu un peu comme si c'était Super Metroid ou Metroid Fusion. Exact. Puis, t'as tout le jeu original. Puis là, ils ont rajouté un petit bout qui est super intéressant où est-ce que Samus perd son costume. Puis là, tu te retrouves pas de costume. Puis là, il est comme... faut que tu joues un petit peu furtif, mais dans un environnement 2D. Puis là, c'est les ennemis tough, là, c'est les Space Pirates, là, c'est pas les petites bébêtes, là, c'est les Space Pirates qui te tuent super rapidement puis qui te poursuivent d'un screen à l'autre. Ça, c'est stressant en tabarnak. Mm-hmm. Puis, tu sais, ils ont repris le jeu original puis ils ont rajouté quelque chose au lore du jeu. Puis ils ont rajouté cette bout-là qui est super intéressant. Ça, je trouve que c'est un remake... réussi, qui va plus loin que juste un upgrade esthétique. Puis tu peux jouer à ça sans avoir joué à aucun Metroid de ta vie. C'est ça. Puis tu vas être comme waouh, tu vas être plongé là-dedans, tête première, comme dans le Trempette au buffet. Trempette au bacon. Comme un céleri dans Trempette. Trempette au bacon. Trempette au bacon, c'est vrai que c'est bon ça. Ça doit. Ouais. Je n'ai jamais mangé, mais s'il y en avait, je me mettrais la tête dedans comme dans Metroid Mayhem. Zero Mayhem. Tu peux mettre du bacon dans n'importe quoi. Ouais, juste, dans le fond, on va rapper ça. Ben juste dire, il y en a deux. Moi, j'aimerais en dire deux. Un que je veux pas voir. Juste un. Un que tu veux pas voir. Il y en a un que je veux pas voir, puis j'ai vu au E3, ils en ont parlé vaguement. Là, puis, Chrono Trigger. Ah, ça s'en vient. Remake, peu, ça me tente pas, man. Ça s'en vient il est pas. Parfait, ce jeu-là. Il va être remaké comment? Je sais pas, mais touchez-y pas. Il est bon, c'est fini. Là. Je veux pas le revoir. Je suis d'accord. Tu sais, genre, non. Mais on aimerait mieux une suite. Ouais, mais une vraie parce suite. Parce qu'il peut, y a une couple d'années, il parlait de... Je sais que t'as apprécié Chrono Cross. Ouais. Moi, je l'ai pas aimé parce que je m'attendais à une suite, puis c'est pas ça pantoute. Ouais. J'étais très déçu, tu sais, par rapport à ça. Ouais. Fait que, mais il y en a une suite, en fait, qui existe. C'est un text-based du jeu. C'est genre Super NES text-based du Super Famicom, puis il fallait que tu t'abonnes au système Nintendo japonais. Sûrement des freaks. T'as comme dit trop de mots techniques en même temps. Super NES text-based. Non, non, mais c'était Super Famicom. T'avais un. C'était comme si t'abonnais au câble, mais de là-bas. Puis c'était comme si t'avais des jeux BBS. Mais fait que c'est une histoire de la continuation de Chrono Trigger. Okay. Vous irez voir cette affaire-là. Il y a des fans qui ont traduit cette expérience-là, mais c'est pas une expérience de jeu de genre action RPG. Là. C'est juste du texte. Mais une vraie suite, ça serait correct. L'autre jeu que je veux voir, puis j'ai vraiment hâte, j'ai parlé tout à l'heure de Final Fantasy VII, ben le remake, là, qu'on attend depuis PlayStation 3, là, qu'on a vu la démo, là, qui nous a trollé, genre... Ça, là, je l'attends vraiment. Puis ils vont le transformer, ils vont le moderniser. Ouais. Il faut le faire parce que rejouer à Final Fantasy VII, l'histoire est bonne, mais le graphisme... C'est pas le fun, non? C'est injouable, tellement c'est comme... C'est trop laid. Moi, mon œil, là, il saigne, là, tu sais. Ça va être un jeu complètement différent, le remake qu'ils ont dit. Oui, mais s'ils gardent le correct, fond et l'histoire... Puis moi, j'aimerais que ça soit turn-based, honnêtement, là, tu sais. Je sais pas s'ils vont le faire de même, mais là, ça me plairait. Là. Faut que ça soit pareil. Là. Ben, garde, je sais pas, je peux m'en aller. Mais lui, je l'attends, j'ai hâte. Fait que ça va être apparemment épisodique. Correct, ça, Ça, ça me dérange pas. Ouais. J'ai eu des belles expériences épisodiques avec Telltale. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était mon choix du chef, les deux que je voulais dire, là, pour rapper tout ça. Vous autres? Moi, je veux un remake de Adventure Island. Ah, ouais? Je veux qu'on ramène Adventure Island puis qu'on l'amène au goût du jour. Et que ça 2D. Soit ça soit un 2.5D. Vous aimez ça les jeux 2.5D là, mais calisse, ramenez en tout. Faire du skate, hein. C'est gossant, pas ça? C'est gossant à ramasser. Hey Grim, dans quel jeu tu lances des tomahawks puis tu fais du skate puis tu manges des fruits? Toutes des belles valeurs pour nos jeunes. C'est vrai, hein? Moi je trouve que c'est. Pour les Han. Ouais, les Han. Mais moi j'aimais beaucoup ceux-là au Super NES. C'est vraiment un des meilleurs jeux de mon enfance. Ouais. Puis moi j'ai aimé l'appropriation culturelle des Amérindiens. Ouais, c'est vrai. Avec un on ne rentre pas les Amérindiens dedans. On essaye d'avoir du fun. Oh, les... Moi j'ai bien aimé le 3 en NES. J'aimerais voir. C'est vrai. Hey, je l'ai. Ouais. Ben il est en stand-by chez le King de Saint-Eustache. Okay, bien, on l'a voir bientôt. Jeu, très bon jeu. Ouais. Je l'ai là. Je l'ai entre mes mains. C'est vrai. Il est comme le 2, en fait. Le 2 était très bon, hein, c'est un beau upgrade comparé au premier. Là. Oui. C'est très intéressant. Puis évidemment, l'an dernier, on a fêté les 20 ans de Fantasy 95. Oh. Moi, j'aimerais... C'est vrai, on les a fêtés toute l'année. Écoute, on se défonçait à toi et moi. On a raté plein de jobs. On a allumé des chandelles. On est parti en bateau. On est resté 2 semaines de plus qu'on passait. On est revenu. Les enfants étaient malades. Ça a été une crise de belle année. Tout ça pour un jeu louche. Mais une suite à Fantasy 95, là, je pense qu'on est dû. Des nouvelles images en dessous. Là. Des nouvelles images. Rihanna, là. Puis des filles de même. Tu sais, tu pourrais uploader tes images comme tu veux. Là. Mm. Ici, on pourrait avoir un. Puis dans Fantasy 95, là, il n'y avait pas de discrimination. T'avais autant des gars à poil que des filles à poil. Je suis correct avec ça. Tu peux les battre. Ben oui, exact. Fait que là, tu pourrais avoir, je sais pas, moi, Drake. C'est ça. Pourrais... C'est ça que j'avais en tête pour aller avec Rihanna. Ouais, Drake et Rihanna. Quack, quack, quack. Drake, mais dans le temps de Degrassi, par exemple. Oui, exact. Pas Drake en ce moment. Non, Degrassi, mais attends, dans Degrassi, dans la chaise roulante, c'est un peu triste. Ah, c'est triste. Alors, Drake. Tout nu sur la chaise roulante. Le schlong pendant, là. Fait que là, Bruno, tu fais un appel à nos rum hackers qui nous écoutent. Ouais, exactement. Tu veux vraiment une version de Fantasy 95. Faites un nouveau Fantasy 95. 2016, dans le fond. Là. Urge pour vrai, là. Oui, il y a une demande pour ça. Moi, je vous le dis. Il y a une demande. Il y a une demande pour c'est Fantasy comme... 95. S'ils font Fantasy 2005, ça garde l'esprit rétro. Ouais, non, mais... Dans ma tête, là, j'ai deux personnes dans la demande. Il y a toi, tu sais. Ah non, on va en trouver, on va créer un Eric Lafontaine. Je vais comme tout, tout faire. Vous êtes les deux seuls. Ouais, moi et Eric Lafontaine, on trippe pas mal là-dessus. Mais moi, je sais pas, on va peut-être faire un fonds, tu sais, comme les fonds canadiens là, pour le cinéma puis la télé. Je pense qu'on devrait faire un fonds pour Fantasy 95. Les ça serait Kickstarted, mais ouais. C'est comme le fond pour Nathalie Normando. Ouais, exact. Va pas là-dedans, va pas là-dedans. Mais ouais, Fantasy 2016, Make It Happen. Voilà. On sait même pas c'est quoi la compagnie, fait que je peux pas le dire. Ben, c'est pas XCD. Non, c'est même pas. Non, c'est louche, ça. Ça a été fait Bobby McBob, quelque part dans le fond d'un champ. Fait nice. Sur un Tandy. On checkera ça. Ouais. Il y a un Easter egg dedans, tu peux avoir une chèvre. Une chèvre? Ouais. Ce jeu-là n'a pas fini de me surprendre. Chèvre Edition. Je vais juste mentionner un dernier jeu, Resident Evil au GameCube. Ouais. Ça, c'est un des meilleurs remakes que j'ai joué ma vie. Bon, en fait, j'avais pas vraiment joué à l'original. Puis celui au GameCube, et, c'est un des jeux les plus épeurants. Il était très, très bon. T'as raison. Quand même très difficile aussi avec les super zombies. Ah oui. Puis les zombies, il faut que tu brûles, sinon ils reviennent. Puis là, il n'y a pas de musique pour t'avertir qu'ils sont là. Puis là, tu pitches ta manette. Parce que tu fais le saut de ta vie. Donc, les c'est zombies ça. Qui partent jamais. Zombies à toutes les saveurs. Zombies hot dogs. Ah, oh, ramène-moi pas sur les hot dogs. Les j'ai hot dogs. Les hot dogs, bras, épouse, hot dogs. T'as faim, toi. Fait que. Tout le temps en fin, moi. Tout le temps en fin. As-tu de quoi spécial en conclusion? Ben écoute. D'habitude, rappel du Patreon. Ça vous tente de nous donner quelques dollars. Ouais. On vous décevra pas comme Mighty Number 9. Non, c'est ça. Non, pas au niveau de ce qu'on est rendu, non. Non. Hey, là, on n'arrête pas d'ajouter bien. Des affaires et des écrans. On a rajouté des néons, d'ailleurs. Vous voyez l'éclairage? Ouais. À part moi, j'étais un petit peu dans la pénombre, mais c'est parce que Mario, il est là, puis on couvre plus large. Yeah, ouais, mais, exact. C'est plus éclairé, déjà. C'est beau. Sinon, la boutique Society bon, Six, si vous achetez un excellent gaminet comme Nick porte en ce moment. Oui. Rétro Nouveau, édition 2011. C'est mix and match, hein. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Fait que si t'as pas de coup, tu peux faire de n'importe ouais, quoi. Exact. J'ai bloqué les couleurs qui faisaient pas de sens au moins. Ouais. Genre un logo noir sur un fond noir, ça marche pas. Eh oui, c'est beau, man. Ton non, ça marche ton sur ton. Ah, je peux le remettre, si vous voulez. Remets-le, ça a de l'allure. Tu sais, ça, c'est pour le gars qui aime quelque chose, mais qui veut pas trop le montrer. Exact. C'est ça marche. Tu vas être real, tu sais. T'as ça, t'es comme, oh shit, ok, nice. Chris Maison. Mais t'es pas obligé de faire ça cette nuit, hein, JF. Ça ne presse pas. Ah, j'ai du temps avant de me coucher. Prends ton temps, flatte ton chat, nettoie ton Simpsons au Nest, tu sais. Fais tes affaires. Avec un peu d'alcool à friction. C'est ça. Exact. Lave ton masque de lutte. Fais tes affaires. J'y touche plus, il sent trop le swing. Ouais, c'est ça. Laisse-le de même. J'ai des critiques vidéo qui s'en viennent. Ouais. Je vais avoir. C'est dommage. J'ai un blanc comme d'habitude à la fin d'épisode. Mais Hard Reset Redux, qui est un first-person shooter d'action qui fait très 90. Fait que je vais critiquer ça. Et puis aussi. Un genre de shmup que je genre, me souviens plus. J'ai un blâme aussi du nom. Je me souviens plus du nom. Mais bref, ça va sortir probablement mercredi et vendredi. Exact. Score Rush? Oui, c'est ça. Merci, Mario. Score Rush Extended, qui est vraiment... Regardez-le la critique. Un jeu qui a marqué Bruno. Je vais pas vendre de punch. Oui, non, mais c'est, pour le pire, c'est que ça m'a marqué, mais le nom est terrible. Les gens savent pas comment nommer un jeu. Comme Fantasy 95. Ouais. Ça, tu t'en rappelles. Tu t'en souviens. Oui, exactement. Au niveau du blog, si vous voulez encore aller commenter notre top RPG, c'est toujours... Ouais, le blog est cassé. Ça fout ça à marre sur Internet. Allez, écoute, pique les fesses à Kim Kardashian. Ça, là, ça a été... Clac! Ça a pété Internet. Ça a cassé l'Internet. Ça a cassé l'Internet. On a eu beaucoup d'insultes. Ouais. Ben, non, il n'y a pas tant d'insultes. Il y a plus des gens qui... Il y avait des insultes constructives, en fait. Comment en vous avez question pour que, comment ça qu'il y a des jeux là-dedans que c'est pas des JRPG que des c'est, Pokémon. Moi j'ai fait confiance, j'ai parti le top, j'ai dit ok c'est des JRPG, j'ai fait confiance aux gens que ça allait être des JRPG, puis je pense que Je pense que tous les jeux qui sont là, tu sais, ont une origine japonaise dans leur tradition, dans leur gameplay. Il y en a qui pourraient rentrer peut-être plus dans la catégorie tactique, RPG ou tout ça. Mais je pense que ça peut quand même être englobé dans le JRPG en général. Ouais, c'est large quand même. Puis, question de vous faire réagir encore plus, surveillez, soyez à l'affût, il y a un top Zelda qui s'en vient. Oui. Du pire au meilleur Zelda. Hey, ça ne marchera pas, man. Le monde va chialer, ça va être dégueulasse. Nintendo va nous shut down. Hein. Moi, j'ai aimé mes plus nuits. Pourquoi vous l'avez mis en troisième? Alors, ça va être c'est colon. C'est fantastique, les tops. Il y a une de nos collaboratrices, Tania, qui elle revient tout juste d'un voyage au Japon. Ouais. Puis elle est allée dans des boutiques. Elle a fait des places rétro aussi. Ça fait qu'elle va faire des posts, surtout sur Facebook, sur ses découvertes, les adresses qu'elle a découvertes. Ouais. Ça fait que, soyez à l'affût de ça, ça va être le fun. Du bien beau contenu. Excellent. Et puis, à part de ça, c'est pas mal ça. Twitter, moi, Facebook, comme d'habitude. Ben là, oui. Réto Nouveau. RétoNouveau.ca. Partager, aimer, et puis tout ça. Ouais. Là, on s'est bourré dans les Doritos roulettes à soir. Moi, je suis mal au vent. Non, on n'a pas encore pogné de... Personne n'a pogné de roulettes. C'est vraiment pas fort. Veux-tu le fond du sac, Bruno? Non, mais Jack, comme là, celle-là, il cite, là. Attends, elle a l'air rouge, pas mal. Non, c'est pas rouge. Eh, pareil. Ouais, c'est la même.